3. Quelle est cette chanson des années 90 qui vous a marqué? On en parle après le journal. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. On jette un petit coup d'œil à la météo, Dominique. Avec demain quelques passages nuageux, mais toujours de belles éclaircies. Le vent va passer au sud-ouest, donc il fera un peu moins chaud qu'aujourd'hui, 20 à 25 degrés localement. Samedi, paradoxalement, un peu plus nuageux, fin de journée, mais plus chaud, jusqu'à 27 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Salah Abdeslam refuse toujours obstinément de parler. Le principal suspect des attentats de Paris n'a rien voulu dire au juge qui l'avait convoqué ce matin. Dossier Caterpillar, la direction américaine accepte de rencontrer le gouvernement wallon. Du côté fédéral, on affûte les armes. Charles Michel se dit prêt à aller en justice si nécessaire. Journée mondiale de l'alphabétisation aujourd'hui. Apprendre à lire et à écrire quand on a plus de 20 ans et 3 enfants, ce n'est pas si simple, mais c'est possible. Nous joindrons tout à l'heure une jeune femme qui y est parvenue. Dans ce journal aussi, la présence du Dalai Lama en Belgique. Il a répondu aux questions de nos journalistes. Le Dalai Lama favorable à la présence des femmes aux commandes du monde. Si la majorité des leaders de ce monde étaient des femmes, il y aurait moins de problèmes. Nous l'entendrons dans ce journal. On s'inquiétera aussi de la santé des hérissons. Ils ont soif en ce moment. Fin d'été trop sec pour ces petits animaux protégés en Belgique. Le journal sur Vivacité avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Salah Abdeslam, donc toujours muet comme une carpe. Le principal suspect encore en vie des attentats de Paris était devant le juge antiterroriste ce matin. Il se mure toujours dans son silence, comme il le fait depuis son transfert de la prison de Bruges. Son avocat français Franck Berton avait fait venir son collègue belge Sven Marie à Paris. Patrick Michel, aucun des deux n'a pu le faire parler. Sven Marie s'est présenté vers 10h30 au palais de justice. Et malgré les sollicitations des journalistes, eh bien, ses paroles sur les raisons de sa présence tiennent en quelques secondes. Je suis là pour l'interrogatoire. Voilà. Je ne fais pas de commentaire maintenant. Est-ce que vous serez encore l'avocate Salah Abdeslam à la sortie? On verra. Les deux avocats ont ensuite rejoint leur client chez le juge. Une entrevue qui a duré un peu moins d'1h30. Le juge a posé toutes les questions qu'il souhaitait poser, mais à chaque fois, Salah Abdeslam a fait valoir son droit au silence. Un droit dont son client a le droit d'user, a rappelé Franck Berton. Mais pour lui, la situation doit évoluer. Ça fait donc deux fois qu'il garde le silence, qu'il ne parle pas, parce qu'il exerce ce qu'on appelle son droit au silence. On n'a pas à juger de savoir si il a raison ou pas raison. Tout ce qu'on peut, c'est le conseiller en lui disant non, il serait plus intéressant la défense de son dossier, qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse dire ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Sur ce point, il n'y a pas de doute. Il est important, parce qu'il l'avait dit, qu'il s'exprime. Il ne l'a pas choisi pour l'instant, il ne le souhaite pas. On espère qu'il le fera. Salah Abdeslam se plaint toujours de ses conditions particulières de détention, mais elles ne changeront pas. Tous les recours qu'il a déposés à ce sujet ont été rejetés. Les militaires, eux, en ont ras-le-bol de jouer les intérimaires de la police fédérale depuis que la menace terroriste est élevée en Belgique. Depuis des mois, plus de 1800 militaires sont en rue. Ils soutiennent la police. Le nouveau patron de l'armée, le général Marc Compernol, estime qu'en s'entraînant plus sur le terrain, ses troupes perdent des compétences. Dans la Libre ce matin, le patron de l'armée aspire à ce qu'on diminue le nombre de militaires mobilisés pour cette opération. Chez nous, après l'agression de deux policiers hier à Molenbeek, après l'agression à la machette de deux policières de Charleroi cet été, comment vont les forces de l'ordre? Elles sont sous pression, en état d'alerte constant. Psychologiquement, c'est difficile. Romain Bardet s'est rendu à Molenbeek. Reportage. Nous sommes au marché de Molenbeek. Les inspecteurs Fissette et le chat vadrouillent à pied dans les rues bondées en ce début d'après-midi. Certains maraîchers, certains vendeurs demandent des nouvelles après l'agression d'hier. Des policiers encore choqués, cela s'est passé à deux pas d'ici. Je suis bien conscient du risque, encore plus ça nous le rappelle maintenant. C'est vrai qu'on n'est pas plus inquiet, mais on est plus préoccupé. Donc on fait beaucoup plus attention à tout ce qu'on fait simplement. Depuis les attentats de Paris puis ceux de Bruxelles, les policiers sont plus que jamais mobilisés. Les mesures de sécurité sont renforcées, mais sur le terrain, la crainte est bien là. On vit vraiment dans un sentiment d'insécurité où partout où on va, on se dit qu'on est une cible potentielle. Et cette vigilance, pour nous, je pense qu'elle ne s'arrêtera plus jamais. La fatigue et le manque de moyens aussi. Nous embarquons dans une voiture de patrouille conduite par le chef de brigade Van Oppen. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais si on aurait plus de personnel, on pourrait aller vraiment plus en profondeur, aller chercher plus loin. C'est nouveau des finances, c'est de l'argent qui manque. Et c'est vrai que si les politiques, que ce soit locales ou fédérales, se donnent les moyens de nous donner les moyens, on fera déjà un pas en avant, que ce soit au niveau personnel ou matériel, et également au niveau formation. À Molenbeek, il règne une atmosphère pesante chez les forces de l'ordre au lendemain de l'agression. Mais comme chacun le dit ici, la vie et le métier continuent. Petite éclaircie au-dessus de Caterpillar. La direction américaine a accepté de rencontrer les membres du gouvernement wallon. Ce sera mercredi prochain. Les ministres wallons se font fort de tenter de convaincre Caterpillar que le site de Gosselies reste viable. Du côté du fédéral aussi, on bombe le torse. Le gouvernement pourrait même décider d'aller en justice s'il le faut pour faire plier l'entreprise. Charles-Michel Emmer et Chris Peters, CDNV, se sont expliqués à la Chambre cet après-midi. Ils se battront contre cette décision par tous les moyens. Marie-Paul Jeunhomme assistait au débat. Charles Michel a levé un coin du voile cet après-midi sur ce qu'il appelle la riposte du gouvernement après l'annonce de la direction de Caterpillar. Une décision que je qualifie de brutale, une décision cruelle, une décision écœurante. Le gouvernement va mandater un cabinet d'avocats pour voir comment engager une action en responsabilité juridique pour faute dans le chef de la direction de l'entreprise. Nous ne permettrons pas l'impunité, affirme Charles Michel. Quant à un éventuel abaissement de l'âge de la prépension, comme le demandent les syndicats, ou une défiscalisation des primes de licenciement, le Premier ministre se retranche derrière les négociations à venir entre direction et syndicats. Il n'est pas question pour nous, aujourd'hui en tout cas, de donner un certain nombre d'indications qui faciliteraient la vie de Caterpillar en début de négociation pour déforcer la position des travailleurs. Le ministre de l'Emploi a lui rappelé que Caterpillar était déjà reconnu comme entreprise en restructuration depuis 2014. Toujours moins d'argent pour les pays en voie de développement. Le gouvernement ne cesse de sabrer dans les budgets. Notre pays s'était engagé à consacrer 0,7% du RNB, le revenu national brut, en 2015, pour l'aide au développement. Or, pour l'instant, on atteint péniblement les 0,42%. Si on y regarde de plus près, on constate aussi qu'une partie de cette déjà petite enveloppe va directement vers les demandeurs d'asile arrivés chez nous en Belgique. C'est légal, mais ça fausse le calcul selon Nicolas Van Uffel, porte-parole ici des ONG qui interviennent à l'étranger. Il s'agit d'artifices comptables qui sont utilisés par les pays donateurs, qui consistent à comptabiliser une partie de l'argent qu'on consacre chez nous à accueillir les demandeurs d'asile comme si c'était de l'aide au développement. C'est évidemment indispensable d'accueillir les demandeurs d'asile chez nous, mais ce n'est pas de l'aide au développement, ce n'est pas de l'argent qui part dans les pays d'origine pour que justement les gens puissent vivre dignement et ne pas être forcés à migrer. Et il faut savoir qu'en effet, en 2015, la Belgique a consacré dans le budget total de l'aide au développement plus d'argent à FEDASIL, l'agence d'accueil ici en Belgique, qu'à la totalité des pays partenaires de la coopération belge, le Congo, le Burundi, etc. Nicolas Van Uffel du groupe CNCD 11-11-11 avec Aline Ouavreille. C'est la journée internationale de l'alphabétisation aujourd'hui. Chez nous, en Belgique, en 2016, une personne sur 10 ne sait pas lire ou pas écrire. Et aujourd'hui encore, il n'est pas nécessairement facile d'en parler. Avec nous, une personne qui souhaite rester anonyme mais qui est concernée par le sujet. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez dans ces statistiques, vous êtes arrivée en Belgique, à quel âge ? Je suis arrivée en Belgique à l'âge de 21 ans. Et à ce moment, à l'époque, des enfants. Et à ce moment-là, vous arrivez en Belgique avec deux enfants et vous ne savez ni lire ni écrire. Oui, je ne savais ni lire, ni écrire, ni parler. Je ne sais pas me débrouiller tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui m'aide pour compléter les papiers pour l'école. Pour voir le nom de riz partout, pour regarder, pour chercher des boulots, pour chercher, pour aller faire des formations, tout ça. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez 28 ans, 3 enfants. Oui. Vous habitez oui. La campagne toujours, mais voilà, il y a des choses qui ont changé. C'est que vous avez suivi des cours. Vous pouvez à présent vous débrouiller avec l'écriture et la lecture. Vous avez même oui. Votre permis de conduire depuis pas longtemps, permis théorique, hein? Oui, oui. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait des formations. J'étais loin pour aller apprendre ça. J'ai changé deux bus au matin, un train. Mais si vous deviez conseiller aux gens qui sont dans la même situation que vous aujourd'hui, c'est quand même de ne pas hésiter à faire l'effort d'aller suivre ces cours parce que ça vous aide vraiment à devenir autonome. Oui, parce que ça, ce que je veux dire aux gens comme moi, c'est il faut aller faire des formations, il faut faire un effort, même si c'est loin, même si ça demande beaucoup de temps. Il faut aller apprendre parce que si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne sais même pas aller à l'hôpital tout seul, faut pousser la porte pour aller faire des formations. Ce qui serait mieux, c'est qu'il y ait encore plus d'ASBL comme celle qui vous a soutenu, qu'il y en ait plus dans plus d'endroits, même dans les campagnes, ce serait plus facile. Oui, je pense que aussi c'est difficile pour les gens qui luttent pour ça aussi. Parce qu'il n'y a pas assez de places. On attend un an ou 6 mois ou 4 mois, je ne sais pas. Mais il n'y a pas assez de places. Merci. On entendait que vous étiez dans le bus, une apprenante donc qui réclame plus de structures pour apprendre à lire et à écrire. Si le vote n'était plus obligatoire en Belgique, iriez-vous quand même voter ? Moi oui, hein, c'est sûr. Et vous iriez voter ? Ben oui, j'irais. Oui. Bon, alors l'RTBF, la Libre Belgique et l'Institut Dedicated viennent de faire un sondage. Philippe Valkobiak, vous êtes responsable de la cellule politique à l'RTBF. Vous l'avez parcouru pour nous, ce sondage. Un Belge sur deux, pratiquement, préférerait que le vote ne soit plus obligatoire. Oui, en effet. Et ce sentiment est d'ailleurs plus fort en Flandre qu'à Bruxelles ou qu'en Wallonie. Les électeurs restent toutefois très partagés sur la question. En Wallonie, c'est au MR et au PTB que l'on retrouve le plus de partisans de la suppression de ce droit de vote obligatoire. À l'inverse, les électeurs du PS et du CDH restent très majoritairement en faveur d'un vote obligatoire. Alors la question maintenant, celle que se posent surtout les états-majors des partis d'ailleurs, si on n'est plus obligé d'aller voter, quel parti va attirer les marrons du feu ? En clair, Philippe, si un vote n'est pas obligatoire, est-ce que ça va favoriser un parti plutôt qu'un autre ? Eh bien, il faut rappeler tout d'abord que chaque élection est particulière, mais selon notre enquête, 2/3 des gens seulement iraient encore voter. En Wallonie, ce sont les électeurs du MR qui se mobiliseraient le plus, au point que les libéraux auraient ainsi un peu plus de chances de devancer le Parti Socialiste. Mais c'est le PTB qui aurait le plus à perdre. De même, en Flandre, c'est le Vlaams Belang qui en souffrirait le plus. Le vote obligatoire semble surtout profiter donc aux extrêmes qui attirent les déçus des partis traditionnels, semble-t-il. À Bruxelles, par contre, c'est le Parti Socialiste qui pâtirait le plus d'une suppression de l'obligation de voter. Merci Philippe. Il est arrivé, enfin presque, en Belgique, le nouvel iPhone, c'est pour la mi-septembre. Oui, hier, Apple a présenté son nouveau bébé à San Francisco. Il faudra donc débourser entre 800 et 1000 euros pour l'iPhone 7 classique, 200 euros de plus pour l'iPhone 7 Plus. Le nouveau joujou ne devrait pas bouleverser le marché. Pourtant, cet iPhone 7, David Rifon, il a des qualités. Eh bien oui, Manu, il résiste à l'eau et à la poussière. Sa batterie tiendra le coup plus longtemps. Bon, une à deux heures de plus, faut pas pousser non plus. Et l'appareil photo est aussi plus performant. Il y a carrément maintenant deux objectifs. Mais le nouvel appareil présente aussi un petit défaut ou une nouveauté qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Il va falloir s'y faire en tout cas. Pas de prise pour l'oreillette ou le casque. Il faudra un casque sans fil ou alors un adaptateur, une prise spéciale. On appelle ça un connecteur Lightning. Son coût, eh bien, c'est Apple quand même, environ 150 euros. Bref, ces nouveautés permettront sans doute de relancer un peu la machine marketing, mais pas de bouleverser complètement la donne non plus. Cela fait 6 mois déjà que les ventes d'Apple sont en recul. Merci David. Tenzin Gyatso, mieux connu sous le nom de Dalai Lama, est en Belgique. Lunettes d'un autre temps, éternel sourire, tissu rouge pour seul vêtement. Le Dalai Lama est à Bruxelles. Le Dalai Lama, c'est l'autorité suprême du bouddhisme, un peu comme le pape pour la religion catholique. Il donne un cycle de conférences et François Mazur a pu le rencontrer. Entre autres questions, il vient demandé s'il était favorable à l'accession des femmes au pouvoir. Écoutez sa réponse. Aujourd'hui, il y a 200 nations différentes. Si la majorité des leaders de ce monde étaient des femmes, il y aurait moins de problèmes, moins de massacres. Car biologiquement, et ce sont les scientifiques qui le disent, les femmes ont plus de sensibilité et de compassion. C'est biologique car les mères, ce sont des femmes. Interview plus longue dans le journal télévisé ce soir et dans l'émission 7 à la une. L'été joue les prolongations et personne ne s'en plaint, personne sauf peut-être les hérissons. Oui, les hérissons ont soif, ils souffrent de déshydratation. Les centres de revalidation pour animaux accueillent beaucoup plus de hérissons que les autres années. Le clos de l'Olivier à Jurbis, près de Mons, en a soigné plus de 300 ces derniers mois. Même constat chaque fois, les animaux sont trop chétifs. Les spécialistes s'inquiètent, hein, les hérissons qui ne font pas la taille critique de 500 grammes cet été risquent de ne pas survivre l'hiver prochain. Si vous en croisez un dans votre jardin, comment lui venir en aide? Eh bien, c'est quelques conseils de Daniel Marlier-Imhoff, gestionnaire du Clos de l'Olivier, devrait vous aider. Il faut le récupérer et le mettre à l'ombre et lui mettre à disposition de l'eau et aussi des croquettes pour chiens ou chiens humides. Et surveiller, voir s'il va le manger. Si pas, alors c'est de l'amener dans un centre parce qu'il a soit une parasitose ou il a un petit souci que le centre va diagnostiquer et va le soigner. Alors les spécialistes comme vous coupent court à une idée reçue, hein, ne pas donner de lait aux hérissons. Ah non, aucun animal sauvage, il faut donner... Le lait de vache n'est pas bon du tout pour aucun animal sauvage. L'hérisson peut avoir des dysenteries, il peut même en mourir. Voilà, c'est David Riffon qui nous aide à soigner les pauvres hérissons. Bah c'est bien gentil, on n'y pense pas assez, c'est vrai, aux hérissons. Merci beaucoup Manu, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30. On part sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info. On retrouve Fanny Gillard, bonjour. Oui, bonjour à tous. La plupart des ralentissements, bah pour l'instant, sont surtout dans des chantiers. On va commencer d'abord par la capitale, les ralentissements habituels sur le ring. En extérieur, Zaventem Grand Bigard, vous perdez un quart d'heure. En circulation intérieure, Grand Bigard, Zaventem, 10 minutes de plus que prévu. Toujours en intérieur, un peu plus loin, Zaventem, Carrefour Léonard, 15 minutes de perdu dans le centre de la capitale, ça coince du tunnel Trône au tunnel Léopold vers la Basilique. Bonne nouvelle, sans déterminer de l'accident sur le 40 Bruxelles-Liège, chaussée dégagée à Berthem. Toujours des files depuis Woluwe et Saint-Etienne, vous perdez encore 20 minutes en direction de Liège, ça devrait tout doucement se résorber. Si vous continuez votre route en direction de l'Allemagne, toujours sur cette E40, eh bien vous arrivez au fameux chantier de Chorat et là, aïe, 55 minutes de patience pour traverser ce chantier sur 10 km. Ralentissement encore dans des chantiers, E411 Namur-Arlon à hauteur d'Abbé-la-Neuve, 25 minutes de retard en direction d'Arlon. On a un autocar en panne aussi sur le ring 9, le petit ring de Charleroi à hauteur de la porte de la Villette. Une bande de circulation est neutralisée, on relève également des fils. Et puis on termine avec un radar sur le 40 Bruxelles-Liège entre Berlo et Crisney en direction de Liège. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. On le disait dans le journal il y a un instant, ça y est, l'iPhone 7 a été présenté hier soir. Alors, la grosse nouveauté de cet iPhone, c'est pas une révolution, mais c'est... Il n'y a pas de révolution sur ce téléphone, si ce n'est la prise casque qui disparaît. On va revenir sur l'histoire de ce fameux jack et pourquoi, en fait, Apple a décidé de supprimer cette prise de l'iPhone. Il y a une raison, elle est toute bête. On y revient dans quelques minutes dans le 5 à 7 sur Vivacité. Ce soir aussi, au programme, eh bien, des cadeaux à gagner. Restez bien là, je vous emmène du côté de Malmedy. On verra pourquoi tout à l'heure. On s'intéressera au sport et ce qui s'est passé cette nuit avec un joueur de tennis, Juan Martín Del Potro, qui a pleuré sur le court. Et des larmes en sport, on en voit régulièrement. Jérôme Elgars viendra faire le tour des sportifs parfois un peu émotifs. Ça peut être la pression aussi qui les fait craquer sur les terrains de sport. On y revient tout à l'heure. Est-ce que vous lavez vos draps souvent? C'est une question qui peut paraître peut-être stupide, mais Manu, est-ce que vous changez vos draps régulièrement, vous, à la maison? Oui. Tous les combien? 15 jours, 3 semaines, là, par là. Alors, vous savez qu'il y a un chiffre officiel, ça y est, c'est tombé, il y a une étude sur le temps qu'il faut laisser les draps et les changer. Ah, je vous dirai tout à l'heure si vous êtes dans la bonne période ou pas. Ce sera avant 18h dans le 5 à 7. On retrouvera aussi Ophélie Fontana pour l'image du jour. Et alors, on revient sur les chansons des années 90 ce soir dans le 5 à 7. Puisque hier soir, j'étais tranquillement installé devant la télé. Et qui je vois chanter? Cet homme-là. Emmène-moi. On est au milieu des années 90, Alan Théo, Emmène-moi. Vous vous souvenez d'un titre particulier dans les années 90, vous Manu? C'était toute la période des boys bands, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de chansons.

deux spécificités en fait à l'iPhone et éventuellement aux futurs produits qui vont suivre. Et alors, la première, c'est quoi la spécificité technique ? Tout simplement, donc Apple, avec le retrait de cette prise, elle va pouvoir gagner en place sur ses futurs produits. Donc en gros, le port jack était un port de quelques millimètres d'épaisseur. 6 millimètres, oui. Voilà, exactement. Et ici, donc avec ce retrait, donc l'épaisseur donc de l'iPhone va pouvoir être réduite. Mmh. Et également donc pour les futurs produits. Donc ça, c'est quand même un avantage pour la suite. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir plier son téléphone encore plus facilement qu'avant. Peut-être pas qu'on va pouvoir le plier, mais en tout cas, il sera plus fin et il sera plus léger. Alors, je dis ça parce que beaucoup d'utilisateurs d'iPhone le savent, à un moment, la coque, elle se plie quand même. Enfin, elle se tord légèrement. Donc, celui qui, au bout d'un an, arrive à avoir encore un iPhone tout plat, c'est qu'il en a pris vachement soin quand même. Exactement, mais il faut savoir qu'Apple a corrigé le problème, donc justement avec l'iPhone 6S. Donc, normalement, voilà, ça devrait bien se passer à ce niveau. Au niveau audio, comment on va faire? Parce que donc là, il y a un adaptateur qui va être fourni pour brancher son ancien casque, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc il faut savoir qu'avec la prise jack, donc ce fameux port avait ses limites au niveau qualité sonore. Et grâce justement donc au port Lightning, on va pouvoir bénéficier donc dans le son d'une qualité bien supérieure. Donc apparemment donc ce port de communication finalement laisse passer un plus gros débit de son et donc on peut bénéficier d'une meilleure qualité. Et alors avec la on est sûr de ça ou c'est juste un marketing d'Apple? On est sûr. Pas du tout, donc ça c'est quelque chose qui est prouvé. D'accord. Donc ça c'est, voilà, donc apparemment au niveau du son ce sera bien meilleur. Et alors le but aussi d'Apple, donc de faire disparaître la fameuse donc prise jack, c'est de tout simplement donc booster donc, un de ces nouveaux produits qui a été également lancé hier soir. Donc ce sont les fameux écouteurs AirPods. Ouais, les écouteurs sans fil. Voilà, ce sont des écouteurs sans fil qui fonctionnent avec la technologie Bluetooth. Et donc, voilà, avec ces écouteurs, on peut... Il y a 5 heures d'autonomie. On peut lancer une chanson rien que par la voix, donc en utilisant Siri. Mm-hmm. On peut augmenter ou diminuer le volume rien qu'avec la voix également. On peut bénéficier d'un accéléromètre, de différents capteurs, etc. Donc c'est voilà, on peut se dire qu'Apple a fait le nécessaire donc pour booster ce nouveau produit qui coûte quand même la bagatelle de 179 euros. Donc ce n'est pas rien pour. Ah oui, 179 euros les écouteurs, c'est pas mal, hein. Voilà. Ils ont réussi à trouver le truc pour pousser à les vendre, effectivement. Bon, on suivra cette histoire, on verra si les autres fabricants suivent ou pas, emboîtent le pas ou pas, alors que tous les casques dans le monde fonctionnent aujourd'hui avec des jacks. Enfin, certains sont sans fil, mais la plupart sont avec des jacks. Voilà. Merci. Et alors, un dernier détail assez important, c'est le fait qu'Apple va quand même permettre aux personnes qui ont des casques et des écouteurs avec une prise jack classique, donc de pouvoir quand même l'utiliser sur l'iPhone 5 avec un adaptateur qui sera possible d'acheter. D'accord, et il faudra juste faire le choix entre chargeur et écoute de musique alors. Voilà, exactement. Ce qui avec un iPhone est parfois compliqué. Tout à fait, on peut pas tout avoir là, sur le coup. Merci Alexandre pour vos précisions, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Dans la suite du 5 à 7, on va parler de sport avec un pro du tennis hier qui sur le terrain a craqué, il s'est mis à pleurer. On parlera des larmes dans le sport, on va s'intéresser aussi à vos draps. Est-ce que vous changez souvent vos draps ou pas? Est-ce que vous les changez surtout assez souvent? C'est la question. Et il y a une réponse officielle aujourd'hui, il y a une étude là-dessus. On en parle juste après la pause. Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, ne manquez pas le premier anniversaire de votre shopping, les papeteries de Genneval. 3 jours de bonnes affaires et une foule d'animations pour petits et grands. Dimanche, ouverture des commerces jusqu'à 18h. Programme complet sur lespapeteriesdegenneval.be. Les papeteries de Genneval. Votre shopping au fil de la lane. Peugeot Olivier. Oh yeah. Portes ouvertes chez Peugeot Olivier, c'est samedi 10 et dimanche 11 septembre, avec l'offre 50-50, 50% de remise sur toutes les options et de super conditions sur toute la gamme. Venez aussi découvrir toutes nos nouveautés. Peugeot Olivier à Waterloo et maintenant aussi à Tubize. Chez Thomas & Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Waterloo, portes ouvertes dans notre appartement témoin, ce dimanche de 14 à 17h, à l'angle de la chaussée de Bruxelles et de la rue du Ménil. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf. Nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat. Je sais plus. Arrête-moi ça. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profitez des dernières technologies. Ce pilot assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Le circuit de Spa-Francorchamps, un lieu mythique pour se retrouver en famille, avec des amis ou entre collègues, et vivre ensemble des sensations inoubliables. Participez à notre baptême de piste et prenez d'assaut le célèbre Raidillon. Deux tours aux côtés d'un de nos pilotes et deux tours soi-même au volant de sa propre voiture en toute sécurité. Info sur www.spa-francorchamps.be. Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Voici les titres de l'actualité sur Vivacité avec Manu Delporte. Eh bien, dans l'actu aujourd'hui, on parle de la comparution de Salah Abdeslam devant le juge d'instruction antiterroriste de Paris. L'homme, arrêté à Bruxelles en mars dernier, refuse toujours de parler. L'enquête concernant les attentats n'avance donc pas grâce à lui. Le Belge Guy Verhofstadt devra négocier le Brexit. Il a été désigné pour mener, au nom du Parlement européen, les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union. C'est le deuxième Belge à rejoindre l'équipe qui négociera avec Londres. Son compatriote et ancien porte-parole Didier Seus négociera, lui, au nom d'une autre institution, le Conseil européen. Pour ce qui concerne le dossier Caterpillar, il y a du neuf. La direction américaine accepte enfin de rencontrer le gouvernement wallon. Côté fédéral, on muscle le combat. Le Premier ministre se dit prêt à aller en justice pour contrer la décision de fermer le site de Gosselies à l'horizon de juillet 2017. À 18h, on s'inquiétera aussi du goût de la Carmélite et de la Quack. Ces deux bières belges viennent de passer dans le giron d'Abbé Inbev. Est-ce que ça risque d'avoir une influence sur leur goût? On le saura dans une demi-heure. Merci Manu. On sera là pour l'écouter tout à l'heure à 18h. La météo tout de suite, c'est avec Dominique. Et demain, quelques passages nuageux à vous annoncer, mais toujours de belles éclaircies. Le vent va repasser au sud-ouest. Il fera un peu moins chaud qu'aujourd'hui, mais quand même 20 à 25 degrés localement. Samedi, des nuages en fin de journée, mais un peu plus chaud. On remonte dans les températures jusqu'à 27 degrés. Dimanche, notez qu'il y aura un risque d'averse le matin, surtout sur l'ouest du pays. Mais on attend partout ailleurs des éclaircies pour l'après-midi, maxima 19 à 23 degrés. Et puis dès lundi, sachez que le soleil revient et il fera encore bien chaud, 23 à 28 degrés. Merci Dominique. Et sur les routes, comment ça se passe? La réponse tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info avec Fanny Gillard. Eh bien écoutez, ça se passait pas trop mal, mais là ça commence à se congestionner, surtout au niveau des chantiers. On va d'abord regarder un peu la capitale et le ring. En circulation extérieure, Zaventem, Grand Bigard, vous perdez 20 minutes. En circulation intérieure, Grand Bigard, Zaventem, vous perdez un quart d'heure. Si vous continuez plus loin, Zaventem, Léonard, 15 minutes également. Ça coince aussi dans le centre, du tunnel Trône au tunnel Léopold II, vers la Basilique. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que c'est terminé de l'accident sur le 40 Bruxelles-Liège. La chaussée est désormais dégagée à Berthem. On a toujours quelques files en direction de Liège. Justement, en direction de Liège, si vous continuez sur cette E40, vous arrivez au fameux chantier de Chorat. Et là, aïe, 55 minutes perdues en direction de l'Allemagne. Il vous faudra patienter. Véhicule en panne, on reste en province de Liège sur l'A600 de Lons-Saint-Chenay, à hauteur des Guillemins. Bande droite neutralisée. Là aussi, des files. Une demi-heure de retard en direction de Chenay. Autre chantier, même problème. E411 Namur-Arlon. Chantier à hauteur de Abbé-Laneuve, 25 minutes perdues en direction d'Arlon. Un autocar en panne sur le ring 9 de Charleroi, à hauteur de la porte de Villette. Une bande de circulation neutralisée défile aussi. Et enfin, autre chantier encore. Ralentissement sur le 19 Bruxelles-Valenciennes, à hauteur de Nîmes-Mézières. Vous perdez un quart d'heure en direction de la France. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. jusqu'à 19h. 5 à 7. À quelle fréquence faut-il laver les draps de lit? Bah, si vous avez la réponse, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, bah, vous allez avoir l'explication scientifique dans un instant. Il y a des études qui ont été menées. Ça y est, on a le délai officiel idéal pour changer les draps. On y revient avant 18h. Ophélie Fontana sera là, comme tous les soirs aussi, pour l'image du jour avant le cactus de Jérôme de Warzé. On parle de sport dans quelques secondes avec Jérôme Elguer. C'est ces sportifs qui, de temps en temps, craquent sur le terrain. Mais avant, retour sur vos messages au 3063 à propos des chansons des années 90. Ça peut être des boys band, des artistes en solo, quelles sont ces chansons des années 90, parfois un peu ringardes c'est vrai, que vous adorez, que vous aimeriez réécouter? 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF pour me le dire. Il y a par exemple cette proposition de François de Louvain-la-Neuve. Ah c'est bon ça, Mano, la tribu de Dana. On fera un tour de l'équipe aussi pour savoir quels sont les goûts dans l'équipe du 5 à 7 avant 19h. Il y a Denis de Hans qui lui a proposé par SMS les Cranberries. On va pas se mentir, dans les années 90, on a eu du qualitatif, les Cranberries, et puis du un peu plus kitsch, c'est vrai, comme Anne-Marie qui a envoyé sur Facebook « À quoi ?» Faites pas semblant, je suis sûr que vous êtes en train de le fredonner dans la voiture, même si on n'assume pas toujours ce genre de musique. Bah 3063 pour me dire quel est votre morceau favori des années 90. Et même si c'est kitsch, lâchez-vous, faites-vous plaisir ce soir. 3063 et facebook.com/5à7 Vivacité. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15€ de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15€ de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, Pépé ou encore Essoliver. Info sur poincaré.eu. Chou, le plombier est là. Oh, c'est le menuisier? Le carreleur est aussi arrivé. Eh ben voilà déjà le peintre. Avec Dagmar Buys, vous avez tous les spécialistes de la salle de bain à votre disposition, sans souci. L'équipe de Dagmar Buys rénove votre salle de bain de A à Z dans les plus brefs délais, selon vos goûts et votre budget. Dagmar Buys, inspiration, rénovation. Contactez-nous sur dagmarbuys.be. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez. Viva, 17h-19h, 5 à 7, Viva, sur Vivacité. Demain soir, si vous êtes fan de sport, vous allez être gâtés sur Vivacité, puisque dès 19h, Olivier Gilin sera là, il sera à vos côtés, aux commandes du Viva Sport, pour vous faire vivre le mémorial Van Damme. Ça fait quand même quelques jours qu'on en parle. Grand rendez-vous de l'athlétisme mondial, ce sera au stade Roi Baudouin, et comme tout le monde ne peut pas y aller, vous vivrez ça sur Vivacité. Il y aura aussi le match d'ouverture de la 6ème journée du championnat de Pro League, qui opposera Waslan Beveren au FC Bruges. Tout ça donc demain soir, à partir de 19h sur Vivacité. On compte sur vous pour être là. Et on va rester dans le sport avec Jérôme Elguers. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyril. On va parler des larmes dans le sport avec vous. À la sortie d'un été aussi sportif avec, on a eu le choix, l'Euro, le Tour de France, les Jeux Olympiques, on a vu pas mal de larmes. Et encore cette nuit avec le tennisman argentin Juan Martín Del Potro. Oui, et c'est lui en fait qui nous a mis un peu la puce à l'oreille. Cette nuit, Del Potro jouait les quarts de finale de l'US Open. Il a perdu en 4-7 contre le Suisse Stan Wawrinka. Et Del Potro a fondu en larmes en plein match. Alors pourquoi? Écoutez, voici la raison. Alors que se passe-t-il? On est en fait à un jeu de la fin du match. Ouais. Wawrinka s'apprête à servir et à ce moment-là, sentant que Del Potro est tout proche de l'élimination, le public s'est lancé dans une salve d'applaudissements. Public où il y avait beaucoup d'Argentins pour entraîner les autres. Une vraie et sincère ovation pour Del Potro qui a complètement craqué. Les yeux tout rouges, les larmes, la grosse émotion. Ça a duré une petite minute et Juan Martín a ensuite applaudi et remercié le public. Et pourquoi est-ce que le public voulait tant ovationner Del Potro? Eh bien parce qu'en fait l'histoire de ce joueur est assez forte et admirative. Juan Martín Del Potro a longtemps été un joueur du top. Il a même gagné l'US Open en 2009. Le public américain aime les anciens vainqueurs. Mais voilà, en 2014 il s'est blessé au poignet et il vient de vivre deux années de galère, de multiples opérations. Il allait de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles et puis finalement il s'est battu pour revenir. Des mois et des mois de revalidation et d'entraînement. Il revient en ce moment à son meilleur niveau et forcément quand il regarde dans le rétroviseur il se dit wow, des heures de souffrance mais maintenant que je suis revenu qu'est-ce que ça fait du bien. Ah bah on l'imagine. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Jérôme, que les sportifs pleurent quand même plus souvent qu'avant? Alors, c'est évidemment difficile, voire impossible à prouver et à mesurer. Mais effectivement, on dirait que les sportifs craquent plus facilement à notre époque, plus qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Certains ont même analysé les derniers Jeux Olympiques comme les Crying Games, les Jeux des pleurs et des larmes. Et il faut bien avouer qu'on en a vu beaucoup, des larmes de joie et des larmes de déception aussi. Que ce soit les gros balèzes qui soulèvent des centaines de kilos en haltérophilie ou le petit gymnaste qui saute sur des trampolines, eh bien tout le monde est susceptible de pleurer dans les Jeux Olympiques tant l'émotion est forte. Et il faut bien avouer aussi que le sport a bien changé. Il est de plus en plus filmé et surfilmé, donc aucune image n'échappe aux téléspectateurs. Et puis il y a plus de pression aussi sur les sportifs. Autre constatation, aujourd'hui le sport demande beaucoup plus de sacrifices et d'entraînement pour arriver au top. Alors imaginez un judoka qui prépare les JO pendant 4 ans, il arrive à Rio et perd dès son premier combat. Parfois même après quelques secondes sur les tatamis, il y a quoi pleurer, je pense. N'oublions pas une chose, les larmes aident à évacuer des émotions et à retrouver l'équilibre. Donc finalement, Cyril, il n'y a pas de honte à pleurer. Allons-y. Évidemment qu'il n'y a pas de honte. Vous voulez pleurer un petit peu? Bon, là non, ça va. J'ai après, pas trop d'émotions. Donc quand j'aurai une grosse émotion, je pleurerai avec vous. Vous voulez qu'on sorte les piments d'hier? Non, ça va. Je vais vous faire pleurer, il n'y a pas de problème. Merci Jérôme, on vous retrouve tout à l'heure pour le Journal des Sports. Il est 17h43. 5 à 7. Bon, il y a une question sur laquelle vous n'êtes peut-être pas arrêté souvent dans votre vie, mais finalement, les draps de votre lit, faut les laver tous les combien de temps? Il y a une étude qui a été menée et on a la réponse, qui est une vraie réponse officielle aujourd'hui. On va en parler tout de suite avec le docteur Dominique Tenstedt, qui est dermatologue aux cliniques universitaires Saint-Luc. Je vais d'abord vous donner le chiffre, puis juste après on va appeler le docteur. Le chiffre, il est tout simple. Eh bien, c'est toutes les semaines selon cette étude. Parce que plus on attend, plus les crasses s'incrustent dans les draps et plus ça s'incruste, plus c'est difficile à faire partir et des draps et du matelas. Donc ça c'est le problème et donc d'après une étude qui vient d'être menée, il faut attendre, il faut le faire toutes les semaines sans quoi, ben voilà, ça devient compliqué. Et il y a une petite astuce pour justement les laver correctement ces draps, on voit ça juste après la pause. Après la pause, il y aura aussi des cadeaux à gagner. Il y a Ophélie Fontana qui va arriver. Alors la phrase elle est pas la même, hein. C'est pas des cadeaux à gagner, Ophélie Fontana sera là. Ophélie sera là pour l'image du jour et puis je vous dis comment repartir des cadeaux. On fait un point sur tout ça juste après la pub. Et oui, la fête continue chez AJD Caravane et Motorhome à Neupré. Vous vous êtes invité aux portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Vous pouvez découvrir les premiers modèles 2017 dans notre nouveau showroom. Vous profitez bien sûr de nos conditions spéciales 50e anniversaire. AJD vous propose aussi des derniers modèles 2016 à prix fou. En plus, nous vous proposons des promos anniversaires sur tous nos véhicules d'occasion. AJD Caravane et Motorhome, route du Condroit à Neupré. Portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Plus d'infos sur AJD.be. Vive à Bruxelles et la 3 présente L'île au trésor dans une adaptation de Thierry Janssen. Après les trois mousquetaires, revivez une aventure extraordinaire. Un trésor, des pirates, un bateau et des personnages hauts en couleur pour toute la famille à partir de 5 ans. À voir jusqu'au 23 octobre au Théâtre Royal du Parc. 02 505 30 30 ou théâtreduparc.be avec la Libre Belgique. Bonjour. Bonjour monsieur. Je viens pour la Polo. Oui, alors pour 129 euros par mois, vous avez une Polo. Ok, je la prends. Et donc je vous parle pas de son front assist et son système de freinage d'urgence en ville, de sa radio à écran tactile ou de son verrouillage centralisé, de ses vitres électriques à la... Non, je connais, je la prends. Ah, c'est décidé. Ah oui, c'est décidé. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Polo à partir de 129 euros par mois en location pour particuliers. Infos et conditions sur Volkswagen.be. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés. Non. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abiome.be. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Et Ophélie Fontana qui me rejoint dans quelques minutes pour l'image du jour. Mais tout de suite, parlons de ces draps qui, donc, selon une étude, doivent être changés tous les 7 jours, toutes les semaines. On va en parler avec le docteur Dominique Tenstedt. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'être ce soir avec nous pour nous parler de draps, parce que effectivement c'est une question qu'on se pose parfois. Certains les gardent une semaine, deux semaines, trois semaines. Il y a un message qui est arrivé au 3063. Alors il n'est pas signé, mais qui dit: ma femme change les draps tous les deux jours. Tous les deux jours, c'est peut-être beaucoup, non? Oui, ça me semble quand même un petit peu exagéré. Je crois qu'il y a une règle à retenir avant tout, c'est qu'on ne dort pas dans les draps de quelqu'un d'autre. Genre, quand j'entends quelqu'un d'autre, je ne parle pas de son compagnon ou de sa compagne. Oui, ça on peut. Mais si quelqu'un a dormi dans des draps, je pense qu'il faut les changer. Ça, c'est la première chose. Alors ça, effectivement, ça semble assez logique, mais il y a une raison derrière particulière? Mais c'est-à-dire que la grande raison, ce n'est pas tellement que les draps soient sales ou pas, mais que c'est que les draps peuvent être contaminés. Et en particulier, la principale... le principal ennui de draps contaminés, c'est la gale, évidemment. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on ne dort pas dans les draps de quelqu'un d'autre. Et mais si on connaît vraiment bien la personne, non, même ça, on ne peut pas. Je pense que si on connaît vraiment bien la personne, il n'y a quand même pas de très grand risque. D'accord. Et puis alors, il y a une grosse différence. Comment dort-on? Est-ce qu'on dort avec un pyjama ou une robe de nuit, ou est-ce qu'on dort sans ni l'un ni l'autre? Ah ben oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et si on dort sans pyjama ou sans rien du tout, il est évident qu'il faut les laver nettement plus souvent. Mais je pense qu'un délai d'une quinzaine de jours est tout à fait classique, logique et à recommander. On peut aller jusqu'à 15 jours, parce que l'étude ici, elle nous dit toutes les semaines et à température très très très très chaude, parce que si on attend, eh ben ça va s'incruster, on n'arrivera pas à laver. Non, je pense que ça ne relève pas du bon sens. Et il ne faut pas non plus devenir des obsessionnels de la propreté absolue. Je vous rappelle que malgré tout, nous sommes tous couverts de microbes, de bactéries, etc. Et que la propreté absolue n'existe pas. Donc, n'exagérons pas, n'en faisons pas un gros problème. Et donc, on parlait tout à l'heure du fait de dormir en pyjama ou de dormir sans rien. Oui. Si on dort sans rien, on lave plus souvent ? Exactement. Ça, je pense que c'est une bonne raison que vous lavez plus souvent, indiscutablement. Tout à fait. Parce qu'il y a quand même, la transpiration, il y a quand même aussi quelques déjections au sens large, hein, que ce soit, et là aussi, sans transpiration, et puis malgré tout, éventuellement, quelques gouttes d'urine et d'autres choses, bien sûr. Donc, je pense que là, il faut être un peu plus rapide dans son lavage. Ah bah ok, le message est bien passé. Donc tous les 15 jours en pyjama et plus souvent si on dort sans rien. Voilà. Merci. Ça, je pense que c'est cela. Et surtout ne pas se dormir dans les draps de quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est vraiment la règle la plus importante. Merci Dominique Tenstedt d'être passé ce soir dans le 5 à 7. À bientôt. Derrière. Il est 17h49. 5 à 7. Il est l'heure de retrouver Ophélie Fontana pour l'image du jour. Bonjour Ophélie. Bonjour, bonjour. Je sors de mon lit. C'est des Astercy. Vous parliez de draps. En pyjama voilà. Ou sans rien, on veut savoir. Ah ben ça non, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Vous le saurez peut-être dans le cube, quand on apprendra à mieux se connaître. Eh ben on suivra ça. Je vous laisse des petites surprises. Je même. Balancerai à au moment du Afford Live. Vous, je dirai, vous savez, rien n'est secret ici. Ophélie, on va se mettre dans une ambiance particulière ce soir pour l'image du jour, puisque nous allons parler du Dalai Lama, qui est en Belgique en ce moment. Incroyable, mais vrai. Et alors, elle est où l'ambiance, la petite musique ? Ah ben, elle arrive, c'est le temps d'aller la chercher, voilà. Faut que je me mette en condition. Ça vous plaît ? J'adore. Je suis zen. Fermez les yeux. Attention, s'il y a des gens en voiture, quand même. Je ne pensais plus à rien. On est bien avec cette musique, hein. Ah oui, je peux me taire aussi, hein. On peut laisser ça pendant 3-4 minutes, ça va relaxer les gens. Je pense que c'est une bonne solution pour donner des auditeurs à des autres radios. Alors, pourquoi est-ce qu'il est en Belgique, le Dalai Lama ? Eh bien, je vais vous le dire. Il est là pour la 7e conférence internationale des groupes de soutien au Tibet. Voilà, une grande conférence qui se passe à l'Université Saint-Louis, ici à Bruxelles. 3 jours de discussion autour de la cause tibétaine, avec des représentants de 50 pays. Et vous savez même qui est à Bruxelles en ce moment ? Richard Gere. C'est pas vrai. Je vous jure. Il est venu voir le Dalai Lama. C'est cool, vrai, ça. Qu'il est connu pour son soutien à la cause tibétaine depuis des années. Il est même venu donc à Bruxelles pour cette grande conférence. Et vous dire si c'est une conférence importante. C'est très important que le Dalai Lama soit en Belgique. Alors, c'est qui le Dalai Lama au fait ? Ah mais vous le savez vous ou pas ? Exactement. Bah, c'est un monsieur qui aime se balader dans des tenues orange. Oui, un peignoir ou une robe, c'est voilà, selon. Qui a le crâne rasé et qui est plutôt zen. Qui aime la paix. Oui, c'est un bon résumé. Ça, c'est pour les aspects physiques, extérieurs. Maintenant, pour un peu plus d'histoire. Donc, il est le chef spirituel des Tibétains. C'est un moine, en fait. C'est déjà le 14e Dalai Lama. Et il sera sans doute bien le dernier. C'est ce qu'il a en tout cas annoncé en 2014. C'est écrit dans une prophétie. Donc voilà, ce sont des histoires un peu mystérieuses. Mais normalement, ce sera le dernier Dalai Lama. Donc voilà, c'est le chef spirituel des Tibétains. Le Tibet, c'est une région toute particulière. C'est une région autonome qui a été créée par la Chine en 1965 et entre les Chinois et les Tibétains, eh bien, depuis ce moment-là, les relations ont toujours été extrêmement tendues. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Dalai Lama, justement, il s'est réfugié en Inde entre 1954 et 2011. Voilà, ça a toujours été une résistance pacifiste à cette répression chinoise, mais une action militante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait régulièrement des moines tibétains qui s'immolaient par le feu, justement pour réclamer la liberté du Tibet. Donc voilà, les relations sont extrêmement complexes avec les Chinois. Aujourd'hui, le Dalai Lama, il n'a plus de rôle politique, donc il vit toujours en Inde, mais il n'a plus de rôle politique. Mais il continue, bien sûr, toujours à se battre pour les Tibétains et à faire passer ce message, bien sûr, dans le monde. Il n'est plus que le chef spirituel, mais un chef symbolique. Il a même reçu aussi le prix Nobel de la paix. Et donc là, il est en tournée, il passe chez nous, il passe par d'autres pays, c'est un peu comme une rockstar, ce Dalai Lama. Ah bah oui, parce que le Dalai Lama, il va même se faire le Palais 12, comme Johnny Hallyday. Ça, c'est quand même la grande classe. Il va tenir, c'est le dimanche 11 septembre au Palais 12, il va tenir une conférence publique intitulée « Engagement individuel et responsabilité collective », tout un programme. C'est autre chose qu'allumer le feu, c'est différent. Oui, c'est pas la même ambiance. Et je me doute que vous brûlez d'impatience d'y aller, mais c'est pas de bol, Cyril. C'est sold out. Non. Sold out, si. Dimanche, j'avais rien à faire. Le Dalai Lama fait sold out et il faut quand même préciser qu'il y a quand même aussi un business, ça mériterait presque un autre débat, il y a tout un business autour du Dalai Lama, puisque le prix des places, c'était quand même, donc il y en avait à 12 euros, mais ça grimpait jusqu'à un peu plus de 100 euros. Ah oui. Donc c'est quand même pas rien, c'est un peu en fonction de la place, si vous êtes plus près du Dalai Lama, ben forcément vous payez plus cher. Ah bah c'est effectivement un peu cher. C'est quand même aussi un business. Et il y a un nouveau centre aussi, tant qu'on est dans l'ambiance du Tibet, il y a un nouveau centre qui a été inauguré. Voilà, la grande journée du Tibet aujourd'hui, puisqu'un centre bouddhiste tibétain a été inauguré à Florence, ça s'appelle le Dharma City. C'est une grande ferme qui a été rénovée pratiquement pendant une dizaine d'années. Il y aura plein d'activités qui seront proposées, notamment des cours de philosophie, des cours de bouddhisme, forcément, des retraites aussi de méditation, donc pour aller se retrouver avec soi-même. Et ça tombe bien, les

Le contraire de Charles Michel, quoi, si vous voulez. En effet, les athlètes n'avaient subi aucun test pour évaluer leur capacité mentale. Un système calqué sur celui d'embauche dans certaines administrations, que nous ne ciblerons pas ici, évidemment, surtout que j'ai encore des PV qui traînent. Donc. Un espoir de médaille pour notre délégation en football, puisque Vincent Kompany sera titulaire sur le banc, quoi qu'il arrive. Et notons que la plupart de nos arbitres de football en Division 1 sont à Rio, puisqu'il est acquis et prouvé via les nombreux ralentis télé de la Pro League, qui sont quasi tous aveugles. De nombreuses personnalités internationales se rendront au Brésil, telles François Hollande, Nadine Morano, Donald Trump, mais elles n'ont pas encore déclaré à quelle compétition elles prendraient part. Bonne chance à tous, bien sûr. Il n'y avait pas grand monde dans les gradins lors de la première journée de compétition hier, et pour cause, c'était l'épreuve de tir à l'arc réservée aux non-voyants. Dernière news, Tihange 1 est à nouveau à l'arrêt. Les riverains exigent le démantèlement complet de la centrale et ont d'ailleurs signé une pétition des quatre mains. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Un petit coup d'œil rapide sur la météo, Dominique. Et encore du beau temps pour demain, de belles éclaircies. Un peu moins chaud qu'aujourd'hui, 20 à 25 degrés. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Nous combattrons cette entreprise américaine, il n'y aura pas d'impunité. Réponse ferme de Charles Michel à la Chambre à propos de la fermeture de l'usine Caterpillar de Gosselies. Mais le Premier ministre, vous l'entendrez, refuse d'en dire trop. Salah Abdeslam se mure dans le silence dès qu'il est présenté au juge. Nouvelle audition à Paris et toujours pas un mot. Abbé InBev rachète la brasserie de la Couac et de la Triple Carmélite. Au lieu de trinquer, les inconditionnels sont inquiets. Dans le journal des sports, nous reviendrons sur l'exploit d'un nageur namurois. Julien Denayer a traversé la Manche à la nage. Un effort qui a duré 13 heures. Le journal sur Vivacité avec Delphine Vreux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Une décision brutale, cruelle et écœurante. Charles Michel s'est montré offensif cet après-midi à la Chambre, en commission. Le Premier ministre et son ministre de l'Emploi, Chris Peters, ont été interrogés sur la fermeture de l'usine de Gosselies. Le gouvernement fédéral va s'entourer d'avocats pour examiner les responsabilités et d'éventuelles fautes aussi du géant Caterpillar. Nous engagerons des poursuites si nécessaire, prévient également le Premier ministre. Son gouvernement sort donc les griffes et rédige la riposte, mais sans en dire trop, écoutez le Premier ministre. Il n'est pas question pour nous, aujourd'hui en tout cas, de donner un certain nombre d'indications qui faciliteraient la vie de Caterpillar en début de négociation pour déforcer la position des travailleurs. Charles Michel, donc cet après-midi en commission à la Chambre et sur les bancs de l'opposition, le Parti Socialiste dit comprendre la stratégie, mais il appelle le gouvernement à informer aussi très rapidement les travailleurs. Pour le CDH, il est un devoir de s'infiltrer dans la moindre petite faille juridique. Écolo invite le Premier ministre à protéger l'économie du Royaume et une nouvelle invitation a été lancée pour que la direction de Caterpillar vienne s'expliquer à la Chambre. Le gouvernement, dans ce dossier, lui recevra à Namur la semaine prochaine la direction américaine du groupe. Le gouvernement veut maintenir un maximum d'activités industrielles sur le site de Gosselies. Mais une production comme celle de Caterpillar pourrait-elle fonctionner si elle était pilotée par la Wallonie? Maxime Paquet, sur le principe, reprendre la production telle qu'elle, c'est imaginable, mais c'est très peu probable à long terme. Oui, parce qu'il y a un problème majeur, c'est l'approvisionnement d'un côté et les débouchés, les clients de l'autre. Un réseau commercial que Caterpillar a construit en 50 ans de présence à Gosselies, en plus d'un nom et d'une solide réputation. Recréer une telle filière et la gérer, ça demanderait du temps, des moyens financiers et humains. Autre obstacle, les brevets ou les secrets de fabrication qui protègent certaines pièces fabriquées à Gosselies. Du coup, économiste et entrepreneur Carolo ne se prononce pas, évidemment, mais il juge plus réaliste une reprise reprise du site en morceaux, pourquoi pas avec plusieurs PME et pourquoi pas avec une réutilisation, même partielle, des outils existants sur le site. Ça demande des projets de production industrielle. La région Wallonne a des outils financiers pour prendre des participations dans des entreprises du secteur marchand. À quelques centaines de mètres du site Caterpillar, la Sonaca, entreprise publique, se porte plutôt bien. Les autorités wallonnes dans le secteur marchand, ce n'est ni une garantie de succès, ni une raison d'échec a priori, mais la reprise du site de Gosselies pose aujourd'hui plus de questions qu'elle n'amène de réponses. Merci pour cet éclairage, Maxime Paquet. Et notez pour refermer ce chapitre que 80 sous-traitants de Caterpillar sont déjà identifiés. Ils rencontrent demain le ministre wallon de l'économie, Jean-Claude Marcourt. Et des solutions bancaires sont également à l'étude pour les soutenir. L'homme qui a poignardé deux policiers hier dans un parc à Molenbeek, eh bien cet homme est inculpé. Oui, inculpé pour tentative de meurtre et port d'armes prohibées. L'un des inspecteurs a reçu 7 coups dans le ventre, mais son gilet pare-balles lui a sauvé la vie. On ne connaît toujours pas les motivations du suspect qui est un homme en séjour illégal. Salah Abdeslam se tait. Une nouvelle audition d'1h30 ce matin. Et pas un mot, pas une explication pour le juge français. Ce matin, l'avocat belge de Salah Abdeslam, Sven Marie, était présent à Paris. Rien n'y fait. Écoutez Franck Berton, l'avocat français du suspect. Nous, avec Sven Marie, on sait très bien que Salah Abdeslam avait indiqué qu'il souhaitait s'expliquer devant les juges français. Donc, on ne désespère pas qu'il s'explique devant les juges français. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc, il a souhaité garder pour la troisième fois... le silence suite aux questions qui lui ont été cette fois-ci posées par le juge. Il exerce ce droit, donc il lui appartient, il n'a pas à le justifier. Voilà donc pour cette nouvelle audition de Salah Abdeslam. Le Belge Guy Verhofstadt devient négociateur du Brexit de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il a été désigné par le Parlement européen pour mener ces négociations. Boire et conduire. Nous allons d'abord parler de votre conduite. Parce que vous vous êtes montré bon élève cet été durant la campagne Bob, malgré l'Euro de football, malgré le beau temps. Seuls 3% des conducteurs ont été contrôlés positifs, c'est mieux que l'année dernière. À Bruxelles, 25 000 contrôles, 3,3% de fautifs, quasi 68 000 contrôles effectués en Wallonie. Le taux de conducteurs en infraction était un peu plus élevé, 3,7%, mais c'est quasi 1% de moins par rapport à 2015. Et parlons donc d'une boisson à présent, la boisson belge par excellence, la bière. Nouveau rachat par le géant AB InBev. Il s'offre la brasserie Boostels, qui produit la Quack et la Triple Carmélite. Alors ce rachat entraînerait-il une baisse de qualité? Les fans des deux bières le craignent. Un reportage signé François Garit et au cœur de Bruxelles. De bière ou Triple Carmélite? Aux terrasses des Halles Saint-Géry à Bruxelles, la Triple Carmélite est fort demandée. Pour Sophie, amatrice de cette boisson à la couleur dorée, le goût de la Triple Carmélite pourrait se détériorer à long terme. Si à terme le but c'est de la brasser au même endroit que des bières pils, c'est ce machin-là, et de rationaliser tout le processus pour en faire une simple bière, oui là ça va peut-être changer, mais ça je sais pas les plans qu'ils ont à long terme, donc faudra goûter quoi. Pour beaucoup d'observateurs, une production plus conséquente engendre nécessairement une baisse de qualité. C'est ce que pense Jean Hummler, gérant du bar bruxellois Le Moudeur Lambic. Essayer une fois de faire un spaghetti pour 4 personnes, un spaghetti pour 40 et un spaghetti pour 4 millions. Et ben quand vous allez en faire un pour 4 millions, c'est pas la même taille, on va pas du tout avoir le même produit. Forcément, le goût va être différent. Mais pour la plupart des cafetiers, les clients ne ressentiront pas la différence de saveur. C'est l'avis de Nareg, serveur au Mapamundo. Les gens ne sont pas aussi attentifs sur la qualité de la bière ou le goût que ça aurait pu avoir avant ou après. Donc je pense pas trop que les gens ils vont commander autre chose. Du côté d'AB InBev, on assure qu'il ne s'agit ici que d'une acquisition. La brasserie Boostels devrait donc dans un premier temps rester autonome dans sa production. À vous de goûter. Et c'était un reportage de François Garit. On goûtera bien évidemment. Merci. Je fais confiance, il n'y a pas de doute. Prochain point sur l'actu à 18h30, il y a le journal des sports qui arrive dans un instant, mais tout de suite, un point sur vos conditions de circulation, c'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. Bonsoir. Oui, bonsoir Cyril, avec toujours ces gros problèmes, ralentissement à cause du chantier de Cherat sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle. Vous perdez 55 minutes toujours en direction de l'Allemagne entre Votem et Cherat, donc un léger ralentissement aussi à partir de Barchon pour gagner Bruxelles. 30 minutes perdu également sur la 600 de Long-Saint-Chenay à hauteur des Guillemins. C'est un véhicule en panne qui vous ralentit en direction de Chenay. Des ralentissements encore dus aux travaux sur le 411 Namur-Arlon à Abbé-la-Neuve. 20 minutes perdues en direction d'Arlon. Un autre car en panne sur le ring 9 de Charleroi autour de la porte de la Villette. Il y a formation de fil puisque la circulation est assez difficile. Dans Bruxelles, vous ralentissez du tunnel Trône au tunnel Leopold II vers la Basilique. En ce qui concerne le ring de Bruxelles, 21 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Billard, plus 19 minutes pour l'intérieur Grand Billard Zaventem et plus 11 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Notez encore ces 10 minutes perdues sur le 17 Gand Lille avec des files à partir de Halbeek vers la frontière française. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Vivacité, le journal des sports. C'est avec Jérôme Elguers et Jérôme, on ouvre avec les premiers résultats aux Jeux Paralympiques de Rio. Et côté belge, ce sont les pongistes qui entraient les premiers en compétition. Lorenz De Vos, 16 ans, a remporté son premier match, victoire 3-7-0 et avec la manière face au japonais Iwabushi. De Vos est une chance de médaille puisqu'il est actuellement deuxième mondial dans sa catégorie. Défaite par contre pour Mathieu Loïc, 3-7-1 contre le chinois Zhao Shuai. Mais les Jeux de Mathieu Loïc ne sont pas terminés puisque ce premier tour se joue sous forme de poule. Il aura donc encore un match demain. Des athlètes paralympiques qui, on l'espère, seront un peu plus responsables que leurs prédécesseurs, comme Ryan Lochte. Après la fameuse histoire de la vraie fausse agression pendant les JO, le nageur américain vient d'être suspendu 10 mois par sa fédération et le comité olympique de son pays. Ryan Lochte loupera donc les championnats du monde l'an prochain à Budapest. Le mémorial Van Damme s'annonce particulièrement passionnant demain soir et on ne fêtera pas uniquement les athlètes, Jérôme. Souvenez-vous, au lendemain des Jeux de Rio, pour des raisons de sécurité, la petite fête aux Olympiens n'avait pas pu se dérouler à l'aéroport de Zaventem. Le comité olympique belge et les organisateurs du Van Damme se sont donc mis d'accord pour organiser une réception demain soir. On écoute les explications de Wilfried Meert, patron du mémorial Van Damme. Parce que comme tous les 4 ans, l'année des Jeux Olympiques, nous invitons tous les participants belges aux Jeux Olympiques, qu'ils soient de l'aviron ou de gymnaste, de judoka, on les invite au Van Damme. Parce que beaucoup de ces sports, soyons corrects, se déroulent quand même devant un public très clairsemé. Souvent, c'est à part les membres de la famille et quelques copains du club, il n'y a personne dans leur salle de sport ou dans leur stade ou au bord de l'eau quand il y a le canoë ou l'aviron. Alors, tous les 4 ans, le bain de foule, ça les motive énormément, ça fait beaucoup de plaisir. Et c'est pour ça qu'on va le rééditer. Interview Arnaud Montero. Cyclisme, un Belge domine toujours le Tour de Grande-Bretagne. C'est Julien Vermotte, coureur Etix Quick-Step. Aujourd'hui, la cinquième étape est revenue au Néo-Zélandais Jack Bauer. En Espagne, victoire du Danois Magnus Cort Nielsen sur la 18e étape de la Vuelta. Il a réglé, je vais y arriver, le sprint massif devant Niklas Arndt et Jampi Drucker. Jonas Van Gunnichten, premier Belge, est cinquième. Pas de changement général pour le leader Nairo Quintana. Demain, étape importante avec un chrono individuel de 37 km. Cette année, les organisateurs de ce Tour d'Espagne n'ont pas hésité à choisir un parcours très difficile avec beaucoup de montagnes. Le but recherché est de rendre la course plus spectaculaire. Et il n'y a pas que les organisateurs qui cherchent à moderniser le vélo, c'est aussi le cas des médias. Avec cette question, comment rendre le cyclisme encore plus attrayant aux yeux des téléspectateurs? Ce week-end, les courses canadiennes du Grand Prix de Québec et de Montréal vont tenter de répondre à cette question avec un tout nouvel outil sur les écrans de télévision, la télémétrie. Ebi Brouzakis nous détaille ce concept qui ne laisse personne indifférent. L'idée est clairement de donner un maximum d'informations aux téléspectateurs en diffusant des données biométriques, comme le rythme cardiaque par exemple, les watts développés, la vitesse ou encore la puissance. Laurent Bruvier est spécialiste vélo à la RTBF. Il a couvert le Tour de France. Il n'est pas spécialement favorable à cette idée. Il y a des éléments qui sont intéressants dans une course en pleine, de savoir d'où vient le vent. Il y a les écarts qui sont là en permanence. Si maintenant on rajoute encore des données au niveau des watts, forcément l'image du cycliste en elle-même va se réduire sur votre téléviseur, mais ça va gâcher quelque chose et on va perdre quelque chose. Car le cyclisme, c'est aussi et peut-être surtout pour certains l'image, les décors magnifiques du Tour de France par exemple, davantage encore que la course. En clair, une partie des spectateurs vont être plus heureux. Ceux qui ont l'habitude de rouler à vélo, qui ont l'habitude de regarder leurs watts et leur puissance, et ils vont savoir de quoi on parle. Je connais prendre l'exemple de ma belle-mère, je le prends toujours, mais c'est elle regarde le Tour de France, surtout pour les paysages. Un autre aspect n'est pas à négliger, celui qui pousse les différents directeurs sportifs à rester méfiants par rapport à ce concept, car disposer de telles informations permettra aux adversaires de savoir quand et comment attaquer. Laurent Bruvier. Sur un grand tour, on a l'habitude de dire que chacun connaît au moins une mauvaise journée. Ben là, on saura tout de suite quelle est la mauvaise journée de Froome, de Contador ou de Quintana, et ce sera le moment de l'attaquer. Alors que maintenant, ben, il y a cette partie de bluff où, pendant un jour sans, ben, on essaye de masquer tout et de limiter la casse. Et on sera donc attentif à ce nouveau système de télémétrie ce week-end au Grand Prix de Québec et de Montréal. En bref, encore football, le Standard engage un nouvel entraîneur adjoint. Tout comme Éric de Flandre, Thierry Werjans assistera à Alexander Jankovic dimanche pour le match face à Genk. Depuis quelques mois, Thierry Werjans était le responsable sportif du centre de formation. Une fonction qu'il va garder, histoire de faciliter le passage des jeunes vers le noyau A du Standard. En tennis, demi-finale dames, cette nuit à l'US Open, Serena Williams jouera contre la Tchèque Karolina Pliskova. Ensuite, Caroline Wozniacki sera opposée à l'Allemande Angélique Kerber. Pour refermer ce journal, coup de focus sur un sportif amateur. Un nageur namurois s'est retroussé la manche et a effectué la traversée entre l'Angleterre et la France, non pas via le tunnel, mais bien à la nage. Julien Deneyer est parti de Douvres au sud de l'Angleterre pour arriver sur la côte d'Opale en France. Traversée réalisée dans la nuit de mardi à mercredi, un peu plus de 13 heures de nage sur une distance de 53 km. Logiquement, la traversée est longue de 30 km, mais avec les courants marins, Julien Deneyer a nagé bien plus longtemps. Il nous explique son détour et son aventure assez exceptionnelle. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier kilomètre, on n'est pas sûr d'y arriver parce qu'en fait, je suis resté 3 heures à la même distance de la côte, non-stop, en la voyant défiler tellement les courants étaient forts. Donc normalement, je devais arriver à Cap Grigny, je suis arrivé 15 km un peu plus loin, sur la droite. Tellement les courants étaient forts. Je voyais bien que les marins discutaient, etc. Et je sentais bien qu'ils risquaient de ne pas le faire. J'avais en plus obtenu une dérogation pour faire ça avec une combinaison. Vu la masse de graisse que j'ai, on m'a interdit carrément de le faire. On m'a dit que c'était comme monter l'Everest sans gants. C'était impossible. Malgré la combi, après 2 heures, j'ai commencé à grelotter non-stop. J'ai quand même eu des doutes à un certain moment parce que j'arrivais pas à me réchauffer malgré les boissons chaudes qu'on me donnait. Finalement, j'ai tout lâché dans les derniers kilomètres. Finalement, j'ai touché le sol. C'était des gros galets. J'oublierai jamais, j'ai dû monter dessus pour officialiser mon arrivée. J'ai des stigmates un peu dans le dos et dans le cou dû à l'irritation du sel sur la combinaison. Et beaucoup de courbatures, je sais à peine lever mes bras. Je suis blessé de partout, c'est ma femme qui doit m'habiller. Voilà, mais bon, c'est des détails qui font que ça rend la chose un peu plus belle. Julien Deneyer au micro d'Arnaud Montero. Et quand Arnaud l'a rencontré ce matin, il était évidemment encore très marqué par l'effort. Julien Deneyer a tout de même perdu 4 kilos dans la traversée. Chaque année, une quarantaine de nageurs tentent cette traversée de la Manche. En moyenne, 1 sur 2 arrive au bout. Grand coup de chapeau donc au Namurois Julien Deneyer. 1 sur 2 arrive au bout et les autres, on les laisse là. J'espère qu'ils remontent dans un bateau. J'espère pour eux. Merci Jérôme pour ce journal des sports. Il est 18h16. Vivacité. Le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Vivacité. J'aurai des cadeaux à vous offrir dans quelques minutes dans ce 5 à 7. Restez bien là, vous allez encore découvrir un site touristique de Wallonie que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est ça le concept pendant tout l'été, parce que c'est encore l'été pendant quelques semaines. C'est dans quelques minutes dans le 5 à 7, restez bien là. On parle depuis tout à l'heure de chansons, les chansons que vous aimiez dans les années 90, et ça peut être des trucs un peu ringards. Vous me dites ça par SMS au 3063, on a eu tout à l'heure les To Beast, oui, par exemple Ophélie Fontana qui nous disait ça, on nous parlait de Cranberries, ça c'était pas dans le côté ringard. Il y a eu Aqua sur la page Facebook. Dites-moi quelle est la chanson des années 90, ça peut être un boys band ou un artiste en solo. 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. Et en les écoutant ces chansons, on se dit bah tiens, finalement on connaît les paroles, même si c'était il y a 20 ans, pour 20 ans même plus. Donc on va voir dans un instant pourquoi des chansons d'il y a 20, 30, 40 ans on arrive à les retenir. Et que la liste des courses, finalement, pour le jour même, là, on oublie la moitié. On verra ça dans un instant avec un spécialiste. Mais petit tour aussi dans l'équipe des chansons qu'on adorait dans les années 90. Guillaume, qui travaille sur la préparation de l'émission. Ah bah ouais. On n'a pas arrêté de chanter ensemble. Ça, vous l'avez pas dit. Et cet après-midi, le bureau, c'était un karaoké. Ouais. Et moi, j'étais baigné dedans. C'était toute ma jeunesse. Il y avait. Allez, pour moi, ce serait Alain Théo, Lola. Ça, quand même. Ah mais bien sûr, on l'avait emmène-moi tout à l'heure. Ouais, mais j'aimais bien les deux. Mais du coup, comme ça avait déjà été dit, ben, j'étais obligé de choisir Lola. Lola, bah, c'est bien. Ah, ouais. Attention. Lola. Ah, ouais.

Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de mémoires différentes qui dépendent de réseaux neuronaux qui ne sont pas les mêmes. Et donc, on a beau parler de mémoire de façon générique lorsqu'il s'agit de retenir une information, quelle que soit la durée pour laquelle on est censé de retenir, il s'agit en fait de choses différentes. Donc, c'est clairement pas du tout la même chose de retenir une liste de courses ou une chose que l'on doit faire une fois parce que c'est le moment de le faire, et de retenir une information qui nous touche ou qui nous a touché en son temps. Par ailleurs, même au sein de mêmes mémoires similaires, telles que de la mémoire d'épisodes de vie qui vous sont arrivés, donc de mémoire épisodique, l'impact de ces mémoires et la capacité de rappeler une information va varier en fonction, un, de la fréquence à laquelle on a rappelé l'information et qu'elle a été activée. D'accord. C'est une chanson qu'on a aimé chanter à de nombreuses reprises. Ben, oui, qu'on l'entend plein de fois souvent, à la radio. On l'a activée très souvent et donc elle est bien imprégnée. Et puis de l'impact émotionnel qui est associé. Donc si par ailleurs c'est une chanson qu'on aime ou à l'inverse qu'on déteste, on est susceptible de les retenir mieux que si c'est une information neutre en termes d'émotion. Donc en fait, il faudrait que la liste des courses pour la retenir, on nous la répète 10 fois de suite. Alors ce serait effectivement une des façons de faire, quoique dans ce cas-là on changerait d'apprentissage, sachant que la liste de courses, on n'est pas censé la retenir. On est censé la retenir le temps de faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle de la mémoire à très court terme ou de la mémoire de travail. Et donc c'est vrai qu'une des façons de pallier à l'oubli serait de l'apprendre comme on apprendrait un cours. Et la seule chose, c'est qu'on ne s'en servirait qu'une fois, à moins de répéter la course de façon systématique. Voilà, et là on rentre dans un autre problème d'acheter tout le temps la même chose, qui serait un peu fatigant. On est bien d'accord. On peut travailler cette mémoire justement, on peut faire quelque chose pour être plus efficace sur la mémoire à court terme ou pas? Alors sur la mémoire de travail, vous voulez dire donc la mémoire vraiment la courte, oui, on peut toujours tenter des choses, mais c'est une mémoire très difficile à faire varier. Ce qui par contre est clair, c'est qu'elle est très sensible au degré de préoccupation qu'on a. Et au degré de fatigue qu'on connaît. Donc, bien dormir, avoir la qualité de vie la plus juste possible et être le moins préoccupé possible est susceptible d'améliorer les capacités qu'on aura à ne pas se tromper quand on va faire les courses. Ah bah ça c'est bien. Donc bien se reposer, pas trop travailler alors. Ça nous occupe l'esprit. Ça dépend du plaisir qu'on prend dans le travail. De fait, ne pas trop travailler peut être très préoccupant pour certains. Donc dans ce cas-là, ce ne serait pas une bonne idée. Mais faire des choses qui plaisent, certainement, ça... Ah bah là on a un problème de communication, mais donc faire des choses qui plaisent, ça permet de développer, d'avoir en tout cas l'esprit qui est occupé par des choses plus agréables et donc d'avoir une mémoire de travail plus efficace. Ben merci beaucoup Jean-Christophe Biais pour vos précisions et du coup on sait maintenant pourquoi ces chansons, on arrive à les retenir. D'ailleurs on continue à faire le tour de vos chansons, 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF, ces chansons que vous adoriez dans les années 90 et dont vous vous souvenez toujours aujourd'hui. 5 à 7. C'est notre petite pause gourmande dans le 5 à 7. On retrouve Candice Cotter. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Shopping ce soir. Ah. Ah, fin de semaine, shopping. À un moment. On va acheter quoi? On va acheter déjà. Ah. Ça, c'est un truc très féminin quand même. On va acheter, on sait pas quoi, mais on va acheter. On sait pas quoi, mais on achète. Gadget culinaire gourmand de chez Gourmand. Alors, je vous propose une machine à faire vos pâtes de noix. Attendez, Cyril, je ne veux rien. Okay, je ne veux rien du tout. Exemple. Vous voulez faire du beurre de cacahuète maison pour le petit-déj, pour vos wok, pour vos marinades de viande? Si, attendez. Vous placez 2 poignées de cacahuète dans la machine, puis vous avez une pâte fine, fluide, voluptueuse, magnifique qui sort. De la pâte comme ça, d'accord. Ouais. Vous avez, ou vous aimez, la fameuse purée d'amandes blanches, si bonne pour la santé, dont on parle partout, que vous trouvez vachement chère en magasin bio. Et ben vous jetez 2 poignées d'amandes et vous la faites en 5 minutes chez vous. Et ça ne vous coûte que le quart du prix. Vous avez envie de faire de la pâte de noisette que vous allez mélanger à du chocolat pour faire votre chocopasta maison. Pareil. Vous avez envie de faire du beurre de noix, par exemple. Là, on est dans une autre texture, à badigeonner sur un petit poisson, sur des Saint-Jacques. Ben, même chose, vous mettez vos noix. La noix étant tellement grasse, vous allez ressortir avec une pâte qui sera déjà extrêmement épaisse, mais tout à fait fluide. Et c'est ça qui est si difficile à obtenir avec un mixeur. Quasiment impossible, soyons clairs. Donc à ce moment-là, un Jazz Max pourrait vous aider, mais bon, ça, c'est un budget énorme. C'est du 500 euros. Ici, vous allez vous retrouver quelque chose qui va vraiment vous aider. Donc en gros, cette machine, ça va révolutionner vos envies santé, vos gourmandises. Et je trouve que c'est ça qui est génial. En tout cas, moi, ça me donne plein d'envies, plein d'idées pour faire évoluer sans contrainte, sans effort, la cuisine du quotidien. C'est même pas cher. C'est 50 euros. Ah bah ça va. Ça va encore pour un ustensile culinaire. Ça va, ouais. Ça monte très vite à 100, un ustensile culinaire. Vous avez un siphon, ah, un truc, on est à 80 ouais. Tout de suite. Voilà. Vous avez deux marques qui sont chouettes. J'ai vraiment bien étudié le truc sur Internet. Vous avez la Nostalgia, qui est très chouette, et la Smart. C'est quasiment équivalent au niveau du design. C'est un design un peu vintage, qui est assez joli dans les cuisines. Il y a plein de couleurs en plus. 50 euros. Vous les retrouvez notamment sur le site d'Amazon, mais il y en a vraiment partout. Donc tapez les deux marques dans Internet et faites-vous plaisir. Ce prix ne peut pas dépasser ça. Je les ai vues à 70, mais elles sont à 50 quasiment partout. Donc ne vous faites pas avoir, c'est à 50 que vous les achetez. Et vous vous faites plaisir à loisir sur des oléagineux qui sont des vrais, vrais boosters santé. Eh ben merci pour cette astuce, on va tout de suite acheter ça. Et j'ai l'impression que c'est une commande, vous passez quelque chose, vous profitez de l'émission pour faire passer des messages. En fait, c'est bientôt Noël. Voilà, bah c'est ça, on va bientôt. En fait, juste avant Noël, il y a mon anniversaire et Saint-Nicolas. Donc si, voilà. Voilà, le message est passé, n'hésitez pas à acheter ça à Candice. Merci Candice, à demain. À demain. Et à propos de cadeaux, on va pas attendre Noël ou la Saint-Nicolas, je vous en offre tout de suite des cadeaux avant 19h. Vous repartez avec 4 entrées pour le Malmundarium de Malmedy, un magnifique endroit à aller visiter en famille, plein de choses à apprendre et un beau lieu surtout à découvrir si vous ne connaissez pas encore. Vous envoyez Ravel maintenant par SMS au 6003, c'est 75 centimes le message. Et à vous peut-être ces 4 entrées grâce à 365.be, le ciné-télé-revue et le beau vélo de Ravel. Bonne chance. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. En selle, citoyens, ce samedi, place Saint-Lambert pour un circuit de 25 km à la découverte de la Cité Ardente. À l'arrivée, point d'orgue de l'action Debout, citoyens. Le concert de l'Opéra Royal de Liège, accompagné par l'orchestre et ses chœurs, avec Suarez et Alison The Roof. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Win for Life, c'est 2000 euros par mois à vie. De quoi partir si souvent à Marbella que tu en oublierais parfois que tu es juste en Belgique. Bonjour monsieur. Hola señor. Alors, cuatro pistoleros y dos gozetas con pomas, por favor. Mais vous pouvez parler en français monsieur, hein, pas de problème. Alors ça, pour un hasard c'est un hasard. Faut que je tombe sur un boulanger belge à la Costa del Sol. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici. Joue à Win for Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win for Life, du fun for life. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez. Le garage Le Sage de Watermal Boisfort est heureux de vous annoncer l'arrivée de la nouvelle Baleno, la citadine de chez Suzuki, qui vous fera voir du pays grâce à son nouveau moteur turbo de 1000 cm3. La nouvelle Baleno, à découvrir au garage Le Sage lors des journées portes ouvertes le week-end des 9, 10 et 11 septembre. Garage Suzuki Le Sage, chaussée de la Hulpe 225 à Watermal Boisfort. Oh chérie, c'est ouvert. Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier. Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Il est 18h30, voici les titres de l'actualité avec Franck Ruel. Bonsoir Franck. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Salah Abdeslam se tait toujours dans toutes les langues. Le seul survivant des attentats du 13 novembre dernier à Paris avait été convoqué ce matin par la justice française. L'audition a duré un peu moins d'une heure et demie, mais une nouvelle fois, Salah Abdeslam a fait valoir son droit au silence. Pour ses avocats, dont le Belge Sven Marie qui avait fait le déplacement, il est pourtant dans son intérêt de s'exprimer. Le suspect qui a porté des coups de couteau hier à deux policiers de Molenbeek Ngenbe, qui a été placé sous mandat d'arrêt. Il a été inculpé du chef de tentative de meurtre et port d'armes prohibées. Le parquet de Bruxelles s'est par ailleurs refusé à tout commentaire. Il se contente d'affirmer depuis hier qu'il n'existe aucun indice liant cette agression à un acte terroriste. La direction de Caterpillar sort de sa tanière. Elle a accepté de rencontrer le gouvernement wallon mercredi prochain à Namur. Un gouvernement qui va tout tenter pour infléchir la décision de fermeture du site de Gosselies. Pendant ce temps, Charles Michel s'est dit prêt à engager des actions judiciaires contre Caterpillar, si c'est possible et si c'est nécessaire. Le Premier ministre l'a affirmé cet après-midi à la Chambre. Merci Franck, on refait un point sur l'actu dans une petite demi-heure à 19h. La météo, c'est maintenant. Dominique, quel temps va-t-il faire? Quelques passages nuageux prévus pour demain, mais aussi de belles éclaircies. Notez que le vent va repasser au sud-ouest, il fera un peu moins chaud qu'aujourd'hui. Mais tout de même 20 à 24, voire localement 25 degrés. Samedi, des nuages sont annoncés pour la fin de journée. On va regagner quelques degrés, 22 à 27 degrés dimanche. Risque d'averse le matin, mais surtout limité à l'ouest du pays. On attend des éclaircies partout pour l'après-midi, maxima 19 à 23 degrés. Et la toute bonne nouvelle, c'est que ce beau temps va se poursuivre dès lundi, dès la semaine prochaine. 23 à 28 degrés encore. Est-ce que sur les routes, les nouvelles sont aussi bonnes? On va le savoir tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info. Alors, Pierre Collard-Beauville. Mais ça va pas trop mal non plus, puisque enfin, ça diminue un petit peu le temps de parcours pour traverser le chantier de Charente en direction de l'Allemagne sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle. Vous ne mettez plus entre guillemets bien sûr que 35 minutes, mais on vient de près d'une heure il y a un peu de temps encore. Vous ralentissez également dans ce chantier à partir de Barchon vers Bruxelles. Alors des ralentissements toujours en cours également sur le 411 Namur-Arlon à hauteur de Abbey-la-Neuve. Ce sont des travaux qui vous ralentissent en direction d'Arlon. Vous perdez une dizaine de minutes. Dans Bruxelles, vous ralentissez du tunnel Rogier au tunnel Leopold II vers la Basilique. Sur le ring de Bruxelles, ça va un peu mieux aussi. 20 minutes quand même supplémentaires encore pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. Plus 15 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem et plus 15 minutes également pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Terminé pour les ralentissements sur le 17 Gand Lille. Il y a des files à partir de l'Albé quand même. Vous prenez encore 7 à 8 minutes quand même. Et à l'instant même, je le fais glisser sur ma page, on me signale un accident impliquant une moto sur le 40 Liège Aix-la-Chapelle à hauteur de Rocourt. C'est en direction d'Aix-la-Chapelle, une bande de circulation est neutralisée. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva jusqu'à 19h. 5 à 7. On ira à Paris dans un instant dans ce 5 à 7 parce que les Belges ont la cote à Paris en ce moment. Les humoristes belges, on les entend, on les voit partout. Charline Van Hoenacker, c'est un exemple. Alex Vizorek, c'est un exemple. Et puis un petit nouveau que vous connaissiez si vous suivez 69 minutes sans chichi l'année dernière, Guilherme Auguiz. Lui aussi travaille maintenant également à Paris, toujours en Belgique aussi, mais à Paris, on l'aura avec nous dans un instant dans ce 5 à 7. Mais tout de suite, retour sur les chansons des années 90 que vous adorez, ces chansons par des boys bands ou par des artistes en solo aussi, qui dans les années 90 c'était hyper tendance et que maintenant on réécoute avec plaisir. Parfois c'est un peu ringard, mais ça fait plaisir de le ressortir. Il y a Marcel de Fléron qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Marcel. Bonsoir Cyril. Vous avez passé une bonne journée Marcel? Oui, j'essaye de récupérer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes essoufflé? Non, nous sommes rentrés hier du Québec. Ouais. Avec le décalage horaire, la journée que nous avons passée, donc nous sommes restés 30 heures sans dormir. Donc, ah oui, quand même, c'est pas mal ça. Oui. Ça rappelle les sorties, ça, Marcel. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis sûr qu'à une époque, vous faisiez ça tranquille, les doigts dans le nez, et vous alliez travailler dans la foulée, hein. Oui, mais maintenant, ça, c'est plus possible. Marcel, on parle de musique avec vous. Justement, oui. Cette chanson des années 90, elle a un lien avec le Canada. Eh oui, rock voisine. Ah, un cadeau. Hélène, entre nous, vous étiez amoureuse un peu? Amoureuse, non, mais c'est vrai que j'apprécie, on va pas être hypocrite, le physique, évidemment, il fait pour beaucoup aussi, mais la voix, les paroles de ses chansons, ça me fait du bien, je dois dire, ça me soulage quand j'ai un petit problème, que j'ai pas le moral. Et une chanson en particulier de rock? Mais dans les dernières, il y en a une mais qui n'est pas très connue en Europe, c'est Le Chemin. D'accord. C'est son dernier disque Confidence, mais qui est sorti au Québec en fait. Pas encore chez nous. Le Confidence est sorti chez nous, mais ce morceau-là non. Ah bah oui, mais alors s'il faut aller au Québec à chaque fois pour avoir les nouveaux morceaux de Rock Voisine, c'est compliqué aussi. Ah mais si vous voulez, je peux vous l'envoyer, je l'ai. Eh bah, vous nous tenez au courant quand justement quand il y a des nouveautés qu'on n'a pas en Belgique. Vous êtes notre spécialiste, Marcel, notre spécialiste Rock Voisine. À partir d'aujourd'hui, on parle de rock, on vous appelle. D'accord. On fait comme ça. Ah bah voilà. On fait comme ça. Je vous fais des bisous, Marcel. Bonne soirée. Merci, vous aussi, au revoir. À bientôt, il est 18h37, on continue à partager les chansons qui vous ont marqué dans les années 90. 3063 par SMS pour me le dire et sur la page Facebook 5 à 7 via cité RTBF. On me parle de Alliage, vous vous souvenez de ça? Je suis sûr que Guillermo Guise, il a déjà chanté ou dansé là-dessus. Bonsoir Guillermo. Bonsoir. Bienvenue Absolument. Dans le 5 à 7. Ça vous rappelle des souvenirs, ça, les années 90? Tout à fait. Alliage, j'ai très bien, en plus, j'ai très bien connu le chanteur d'Alliage. C'est vrai? J'ai envie de jamais. Si vous, je vous dis années 90, boys band ou artiste en solo, vous pensez à quelqu'un en particulier? Ouais, mais New Kids on the Block, E17, les Backstreet Boys. Les Backstreet Boys. Je veux dire que j'ai un plaisir coupable sur l'une ou l'autre chanson des Backstreet Boys, je ne devrais pas le dire, mais c'est une vérité. Avant que vous quittiez cette antenne, on vous passera un morceau des Backstreet Boys. Oui, non, il ne faut pas vous donner la peine. Non, mais si ça peut vous faire plaisir. Dites-moi, Guillermo, vous avez quitté la Belgique pour partir en France, on ne vous verra plus jamais ici, qu'est-ce qui se passe? Parce que les Belges sont tendance en France, mais on vous a appelé, vous êtes parti. Non, du tout. Je suis encore là. Moi, j'y vais de temps en temps là-bas pour le boulot à Paris, etc. Mais moi, je ne quitte pas ma Bruxelles natale comme ça de ce pas. Moi, j'ai une vie, j'ai des choses à faire, j'ai des gens que j'aime bien. Enfin, j'ai un appartement, j'ai une voiture. Enfin, voilà, je peux pas partir comme ça tout de suite. Et puis voilà, non, j'ai pas envie de rentrer dans la vie parisienne comme ça aussi brutalement. Donc 2 jours par semaine, ça me paraît largement suffisant pour le moment. Alors vous rejoignez des copains finalement, puisqu'il y a Alex Vizorek qui est déjà depuis quelques années aussi... Alex Vizorek, c'est pas quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Charline Van Lacker. Non, pareil, Charline, je peux pas la saquer. Donc vraiment, c'est des gens que je déteste. Donc moi, j'essaie de les éviter. Quand je suis à France Inter, je rase les murs pour pas les croiser. Mais voilà, eux, ils sont dans la place. Blague à part, ils sont dans la place. Ils sont bien installés. Ils sont attaqués. Et puis surtout, ils ont énormément de succès. Alors que moi, je débarque à peine et que je tente petitement de faire mon tout petit machin de début. Donc c'est incomparable ce qui leur arrive à eux et ce qui m'arrive à moi. Vous bossez quand même avec un monstre des médias, vous bossez avec Nagui maintenant, vous êtes avec lui sur France Inter. Ça fait quoi quand on est petit belge et qu'on arrive là-bas, au moment où les Belges sont quand même très tendance? On s'en moquait il y a quelques années, maintenant les Français sont bien contents de les avoir, les petits Belges sous la main. Ouais, mais je crois que le côté tendance des Belges, il est en train de... Voilà, ça fait un petit moment qu'il est là, donc ça devient plus vraiment tendance, hein, comme les hipsters. Vraiment, je crois qu'on est en train de... On est en train de plus l'être autant que ça, mais par contre, ils nous tolèrent toujours et ils sont tout à fait contents qu'on puisse leur apporter un petit plus si on a un petit plus à leur apporter. Donc voilà, mais je pense qu'il n'y a plus vraiment de cette espèce de hype où on se dit « Oh putain, il est belge, c'est fantastique », etc. Il n'y a plus vraiment ça. Mais par contre, on est toujours là. Ouais, en force, il y en a quand même pas mal. D'autant qu'au-delà du fait que, bon, il y a ceux qui sont sur les médias, mais il y a un tas de Belges d'humoristes qui jouent là-bas à Paris et qui ne sont pas forcément connus ici en Belgique, mais qui ont parfaitement pignon sur rue sur la place parisienne. Mais les Français sont pas assez drôles qu'on prend des Belges dans les émissions? Bon, faut savoir qu'il sur France Inter, il doit y avoir à peu près 7 387 000 chroniqueurs, donc ils en ont. C'est pas non plus que je suis le messie. Ils ont besoin d'un chroniqueur. Ah merci, c'est venu, on allait fermer l'antenne, on allait devoir plier bagages, etc., fermer boutique. On est là, mais c'est pas non plus qu'on est en majorité. Si c'est pas le talent qui fait juste le talent qui fait que vous êtes là-bas, c'est quoi? Vous êtes moins cher alors? Non, une grosse enveloppe à la direction, toutes mes économies. C'est ça. Toutes mes économies. Et je sors avec la fille du patron de France Inter qui en même temps. Voilà, on va se marier. Donc je pense que ça joue. Je peux pas sortir avec toutes les filles de tous les grands médias français, mais j'allais choisir pour le coup. Ouais, pour France 2, etc. J'essaye de chercher ce qui est encore disponible sur le marché. Bon, ben quand vous reviendrez, on saura pourquoi alors. C'est vous serez célibataire. Exactement. Quand je me fais larguer, c'est bien simple, quand je me fais larguer, je reviens ici. Ben, on vous accueillera, vous savez, vous êtes toujours le bienvenu à la maison. C'est bien gentil. Vous allez aussi jouer à Paris, il n'y a pas que les chroniques à France Inter, vous allez jouer au Point Virgule, salle mythique à Paris. Ouais, salle mythique où les plus gras ont commencé. Mais c'est vrai que c'est une cool salle. Par contre, faut pas croire que le Point Virgule, c'est le Zénith, tu vois. Donc, c'est tout petit, le Point Virgule, mais c'est sympa. Ouais, le Point Virgule, c'est une centaine de places et j'y jouerai toutes les semaines à partir du 5 octobre. Et donc, c'est déjà un bon petit début pour aller essayer de rentabiliser mon spectacle dans la grande ville. Très bien. Et vous jouerez encore en Belgique, on vous verra encore ici alors? Ouais, je fais une énorme tournée mondiale belge de deux dates et demie, plus ou moins, ou trois. Non, mais je joue un peu, mais genre à Charleroi, je joue à Ouaré, mais dans des trucs comme ça. Et puis je joue à Bruxelles, mais enfin, peu importe, je vais pas commencer à énoncer toutes mes dates. Et par ailleurs, je tiens à signaler quand même que même ce soir, je joue avec Laurence Bibot, excellentissime Laurence Bibot. On joue à deux, en fait, au Kings of Comedy Club. On joue tous les jeudis, vendredis, samedi de septembre. Ce qui est un des rares endroits où on peut se marrer et manger en même temps, d'ailleurs. Tout à fait, ce qui n'est pas toujours l'idéal quand on est sur scène. Ouais, ça c'est un autre problème, effectivement. Mais oui, c'est clair. Voilà, c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ambiance des comedy clubs qu'on voit dans les séries américaines. Bah, c'est la même chose, mais à Bruxelles. Et si vous n'aimez pas, à un moment donné, vous prenez votre burger, boum, sur l'artiste. Ça marche. Vous avez déjà reçu ça ou pas? Non, ne faites pas ça. Hein. Donc dites bien à vos auditeurs, c'est une plaisanterie. Très mauvaise idée. C'est pas quelque chose à faire. Merci Guillermo Guise d'être passé ce soir avec dans le 5 à 7. Et avec plaisir, bonne soirée. Hein. Je vous l'avais promis. Là, c'est une terrible chanson, hein, blague à part. Vous les chantez? Le clip, il est mythique. Non, ça va aller, merci. C'est vrai que le clip... Pour le bien de tout le monde. C'était un espèce de remake de thriller sur ce clip-là des Backstreet Boys. Exactement, mais une grande classe quand même. C'est une époque. Évidemment. Merci Guillermo, à bientôt. Avec plaisir. Il est 18h43, on revient sur la musique. Alors, pas celle des Backstreet Boys, mais voici l'histoire de vos hits. C'est Pop Story avec Marc Toesca. Pop Story. Pop Story vous propose aujourd'hui des reprises de grands classiques de la chanson française au texte à forte tendance réaliste, enregistrés avec dévotion et respect par quelques-uns de nos artistes de variété. Avec sa gouaille et ses allures de Tzigane des faubourgs, Sanseverino a dépoussiéré Le Petit Bal Perdu de Bourvil, sorti en 1960. C'est le genre de rengaine bien triste et cafardeuse, mais toujours aussi efficace. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Ouais, et c'était bien. Et c'était bien. Et c'était bien. Avant Sanseverino, c'est Patrick Bruel qui fait main basse sur le catalogue de l'entre-deux-guerres. Et il y a de quoi faire. Enregistré en 1942 par Lucienne Delisle, Mon amant de Saint-Jean est le prototype de ces chansons réalistes qui racontent l'histoire d'une pauvre jeune fille innocente, séduite et abandonnée par un zazou. Bref, c'est du punk, tendance valse-musette. Elle, qu'il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Pour son film Ce Sacré Grand-Père, tourné en 67, Jacques Poitrenaud réunit sur son plateau Michel Simon et Serge Gainsbourg. Dans une scène, ces deux monstres sont assis dans l'herbe, picolent quelques verres de piquette et chantent L'herbe tendre, un texte furtif signé de Maître Gainsbourg. Quelques années plus tard, Adrienne Poli enregistre cette version aussi dépouillée que l'original. D'avoir vécu le cul sur l'herbe tendre. Et t'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. Pop Story. Comme Sanseverino, Bruel et tant d'autres, Florent Pagny s'est penché sur ces pièces qui sont à leur manière des monuments de la chanson française. Le jury de The Voice a choisi parmi tous les titres enregistrés pour son album Récréation sorti en 99, Joli Môme de Léo Ferré. On est loin des ambiances accordéon et style popu de la version originale, mais il faut reconnaître que le charme de cette môme est intact. Marc Toesca. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou, et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, seul des gels, des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme.

Girac, qui est un petit village tranquille au bord de la Dordogne. Ils ont déjà deux enfants, Brian et Jennifer. Et voilà maintenant que la famille s'agrandit avec un petit Kenji. Ah bah c'est mignon ça, c'est Kenji, mignon, Kenji de Girac. Voilà, avec un petit 2 en plus, c'est Kenji de Girac. Et ceci dit, à propos de Kenji, vous savez qu'il est amoureux. Hein. Ah bon? Très très amoureux. Il s'affiche d'ailleurs de plus en plus souvent, et du coup on le voit de plus en plus souvent à la une des magazines People, avec sa petite amie Soraya, qui est une jeune étudiante brune, aux yeux gris vert, qui fait des études dans une haute école de commerce très réputée. Et on en parle depuis quand même plusieurs mois, c'est vrai, de cette charmante jeune fille, toujours aux côtés de Kenji. Mais là, ça s'officialise un petit peu plus. Enfin, les photos parlent d'elles-mêmes, vous me direz. Il paraît qu'ils sont fous amoureux, enfin, c'est ce qu'on peut lire dans la presse People, que Kenji l'aurait présenté à ses parents. Elle est bien acceptée, et entre eux, c'est du sérieux. Ah, oh, bah ça, c'est mignon. Affaire à suivre. Ça va faire des déçus, ça, quand même, si ça s'officialise. Là, quand on les voit patauger dans la mer à deux, enlacés, bon, bah. Ah, bah oui, là, c'est mort. C'est mort. Ça... À moins d'une grosse vague, peut-être. Ceci dit, elle est très jolie. C'est votre style, Kenji? Vraiment, Kenji se présente face à vous là comme ça. Oui, je l'ai déjà vu ici à votre place dans ce studio, très sympa, vraiment très mignon. Et ce que j'aime bien, ce sont ses yeux brillants. Il a une sorte de lumière. Ah bah, vous prenez les yeux et on laisse le reste à sa copine Soraya. Voilà. Audrey Delanès est au téléphone. Audrey, c'est votre style Kenji ou pas? Ouais, pas de soucis. Ah bah vous prenez ça, d'accord. Bah, il va y avoir tout une bataille fait. Alors. Audrey, vous êtes là pour parler de musique, les chansons des années 90 qui vous ont marqué. Vous, c'était quoi la chanson des années 90? Bah, c'était moi, Lolita de Alizé. Ah bah. Vous voyez, je vous laisse Kenji et moi je récupère Alizé. On fait comme ça? Voilà, ouais. Comme ça, tout le monde est content. Ah, quel souvenir ça, Alizé, Lolita. Vous aviez le single, l'album? J'avais le single, moi, j'ai acheté le single, ouais. Et après, vous avez suivi ce qu'elle faisait ou pas, Alizé? Non, parce qu'après, bah, voilà, j'ai grandi, donc j'étais plus trop dans. C'était plus votre dans truc. Dans ce monde-là. Ah, non, bon, plus voilà. Du tout. Et bah, ça a permis de réécouter un petit peu d'Alizé ce soir. Vous vous souvenez des paroles de la chanson? Oui. Ah bah c'est justement, on en parlait tout à l'heure, il y a des trucs comme ça qui ont plus de 20 ans, on les retient et pourtant des choses au jour le jour, on les oublie. Merci bon, d'être passé. Je découvre, je la retiens pas. Hein. Ah ben bah voilà, mais pareil, on a le même souci Audrey. Je vous embrasse Audrey, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Également. Au revoir, voici tout de suite le best-of des enfants de cœur, c'est ce qui s'est passé dimanche sur Vivacité. 5 à 7 sur Vivacité. Les enfants de cœur. Je m'appelle Jean-Michel. Te laisse pas faire. Ici comme la nature m'a fait, belle a dû te faire en fin, moi qui. La vieillesse est un naufrage. Vous êtes à la Comédie Française, hein, vous? Oui. Vous allez avoir de la concurrence en France avec les élections en comédie, hein? Ça va pas être triste. Non, c'est parce que à la rentrée, tout le monde parle de la même chose. Tiens, qu'est-ce que t'as fait d'autre tes vacances? T'as été où, toi? Moi, je m'inquiète parce que j'ai un copain qui vient de temps en temps boire son Orval avec moi dans le petit café à Benezet. Même à Chimay, je dirais Orval, hein? Et alors, il me dit, il est maniaque, et il dit, oh, moi, mes vacances, je les ai organisées pile poil à la minute et tout ça. Et il me dit, voilà, j'ai préparé, je pars le lundi, je prends le bus à Bénuzet jusqu'à la gare des Guillemets, et puis je prends le train, j'arrive à Charleroi, je prends le bus jusqu'à l'aéroport, et puis je prends l'avion. Pensante moi-même, t'es pas arrivé, hein, toi. Le TEC Liège, la SNCB, le TEC Charleroi, Ryanair, un lundi. Faut oser, hein? C'est bien simple, je ne l'ai toujours pas revu. Que moi, cette année, j'ai pas été à Lourdes pour une fois, parce qu'on va à Lourdes toujours parce qu'on espère un miracle, hein? Mais moi, j'ai trouvé beaucoup plus près de chez moi de Bénezet pour croire au miracle. Et maintenant, toutes les semaines, je vais au Standard. Parce que là, il faut y croire, hein? Attention, j'ai reçu plein de publicités pour les vacances. J'ai même reçu de la publicité du Cap d'Agde. C'est où ce qui vaut tout nu? Mais je me suis dit, si je vais là avec mon ami du Bardi, ils vont déclencher le niveau 4. Hein. En plus, j'ai vu des photos des appartements. Il n'y a que moi qui dois encore voir ça. Il y avait la photo du hall et dans le hall, il y avait un porte-manteau. Doit pas servir souvent, hein? Et attention, dans la chambre à coucher, il y avait une grande garde-robe. Demande ce qu'ils foutent là-dedans, moi. Puis on viendra dire que c'est moi qui suis bizarre. Alors finalement, et moi j'ai fait, il y a une formule moderne maintenant, on échange sa maison, on va chez l'autre et l'autre il vient chez vous. Eh bien j'ai fait ça, avec mon voisin. Attention, ça dépayse, j'avais jamais vu ma maison de l'extérieur à ce point-là. Et puis ce qui est bien, c'est que j'ai pas dû prendre de bagages, j'allais chercher au fur et à mesure. J'ai une vie fort simple, hein, moi, fort basique, mon fait. Allez, toi, Benezel, hein. Il a quand même tout dit qu'il y a une. Les enfants de cœur, faudra attendre demain pour les retrouver dans le 5 à 7. Et puis par contre, celui qui arrive tout de suite, c'est Philippe Jonio, c'est le Tip Top jusqu'à 20h. Bonsoir. Bonsoir Cyril, on arrive avec plein de bonne musique, dont M. Pokora qui chante du Claude François. Génial ça. C'est nouveau et ça se passera dans le Tip Top dans quelques minutes. À demain. À demain, bonne soirée. Demain. Du 3 au 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous devriez manquer ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400 €, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Vous avez moins de 30 ans et vous voulez acheter une maison, un appart? Très bien. Dans quelle commune chercher? Où décrocher des aides? Faut-il profiter des taux bas pour acheter grand, dès le coup d'essai, ou viser d'abord petit? Le guide pour bien acheter à Bruxelles et en Wallonie dans le spécial IMO du Vifl Express, en vente cette semaine. Le Vifl Express, pour ne rien vous cacher. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival, les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be avec Cap 48 et Vivre Ici. On dirait que les coureurs semblent maintenant ralentir le rythme. Ah, avec un nouveau changement en tête et un nouveau leader qui emmène maintenant la course. Un vrai coup de fouet là pour tout le groupe d'échappés. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. De l'expertise, du cœur et de la passion. C'est ce qu'Intermarché vous propose durant ces 3 semaines de foire au vin. Nos experts partagent avec vous une sélection de qualité et toujours au prix le plus bas. De quoi vous faire plaisir jusqu'au 25 septembre. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Ne cherchez plus les meilleures affaires. Ce sont les Container Deals de Mediamart. Sous les projecteurs, un MacBook Air pour 999 € seulement, avec une carte cadeau de 50 €. Maintenant dans nos magasins et sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Franck Ruel, bonsoir. Charles-Michel prêt à engager des actions judiciaires contre Caterpillar. Le gouvernement fédéral n'exclut aucun moyen d'action. Le Premier ministre l'a dit cet après-midi à la Chambre. Charles-Michel a eu des mots très durs pour commenter la décision de Caterpillar. Il s'est dit prêt à combattre pied à pied, mais sur ses intentions, il s'est voulu prudent. Inutile, dit-il, de fournir des armes de négociation à Caterpillar. Par ailleurs, la direction internationale du groupe américain a finalement accepté de rencontrer le gouvernement wallon. Ce sera mercredi prochain à Namur. Écoutez à ce propos Jean-Claude Marcourt, le ministre wallon de l'économie. Nous allons examiner avec eux l'ensemble des situations et leur dire notre souhait de les faire revenir sur cette décision qui, pour moi, ne repose pas sur des fondamentaux économiques. C'est la stratégie industrielle de Caterpillar qui est fautive. Nous savons évidemment